donc quand j'ai appelé Paul avant-hier pour savoir le thème de la soirée, il m'a dit c'est les nouveaux lanceurs. Et je me suis dit mais des lanceurs, c'est pas nouveau les lanceurs en fait. Et là, je me suis dit que mon pauvre ami, si t'es lanceur de javelot, ton métier n'a rien de nouveau. Et toi t'es carrément l'antique discobol, lanceur de disque c'est pas de bol. Quant à toi l'acrobate, lanceur de couteau, un des jobs les plus ancestraux. Si tu veux découvrir un nouveau lanceur, viens au bar du pont Neuf sur l'Eure. Et toi le collégien, lanceur de tendance, ta mode est déjà devenue rance. Même si Snowden fait figure d'avant-gardiste, il est déjà plus vieux que le Christ. Alors mesdames, messieurs, les anciens lanceurs, apprenez que ce soir c'est bien l'heure de découvrir les jeunes lanceurs qui ont la frite, les nouveaux lanceurs de satellites. Évidemment, bien sûr. Merci. Snowden, c'est le lanceur d'alerte, hein, bien sûr. Le lanceur d'alerte, ah, oui, bien sûr. On va te réentendre, évidemment, ce soir. Hein, comme d'habitude, au Mardi de l'espace, Xavier nous accompagne. Ce soir, il fait très chaud. Il a enlevé ses chaussures et on découvre des magnifiques chaussettes rayées, et notamment orange. Voilà. Ariane 6, on s'est aperçu, finalement, en préparant cette soirée, que ça ronronnait jusqu'ici. Ça ronronnait un peu. L'industrie du spatial, du transport spatial, sans s'en apercevoir, ronronnait un peu. En fait, il y avait des progrès considérables qui pouvaient être réalisés dans ce domaine du transport spatial, pourvu qu'on mette ensemble un certain nombre d'ingrédients et notamment qu'on adopte les méthodes de l'industrie numérique. Et donc, les cartes actuellement sont complètement rebattues à cause d'un phénomène principal qu'on appelle le New Space, des milliardaires américains qui investissent leur fortune ou celle de leurs entreprises, personnelles ou celle de leurs entreprises, dans des programmes tout à fait étonnants. Il y a son acteur principal qui joue un grand rôle, c'est SpaceX, avec son mentor et prophète médiatique qui est bien sûr Elon Musk. Et puis, donc, on a ce phénomène. On a aussi d'autres phénomènes comme ces nouveaux marchés qui sont en train de s'ouvrir, notamment celui du nombre de petits satellites à danser qui est en train d'exploser. Et donc, voilà que fleurissent un peu partout dans le monde des projets de lanceurs spatiaux dont les performances étonnantes constituent un véritable défi qui est lancé aux acteurs traditionnels. Et notamment Ariane. Et l'Europe a trouvé sa réponse. C'est Ariane 6, un projet qui avance bien techniquement actuellement, mais qui est ralenti actuellement à cause de dissensions politiques, en tout cas de désaccords politiques. Alors à quoi va ressembler le paysage du transport spatial d'ici une quinzaine d'années? On va en discuter avec vous. Je vais vous passer le micro et vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenants. Ce sont deux spécialistes du sujet. Merci beaucoup d'accueillir, s'il vous plaît, Jérôme Villard et Alain Dupas. Merci à tous les deux d'être avec nous. Est-ce que vous voulez bien vous présenter l'un et l'autre, Jérôme Villard? Alors Jérôme Villard, vous êtes du CNES, oui. Et le Mardi de l'espace s'est organisé comme tous les mois par le CNES. C'est ça. Et donc je suis au CNES à la direction des lanceurs, où je suis sous-directeur en charge du futur et de l'innovation sur les lanceurs spatiaux. Donc je suis dans le cœur du sujet de ce soir. Et vous étiez l'homme de la situation et Alain Dupas vous accompagne. Oui, bonsoir. Moi-même j'ai été conseiller au CNES pendant plus de 20 ans. Et je continue à travailler dans ce domaine en tant que consultant auprès du CNES et auprès de quelques grands industriels. Mais je me suis intéressé particulièrement à ce qu'on appelle le New Space, c'est-à-dire les acteurs émergents comme SpaceX, bien sûr, mais pas seulement SpaceX, depuis que l'actuel président du CNES, Jean-Yves Le Gall, m'avait demandé vers 1995 de créer un observatoire des initiatives privées, parce que ce qui est caractéristique de ce New Space, ce sont C'est l'aspect initiative privée, financement privé et même, je dirais, objectif privé. Donc, j'ai suivi ça de très près et je continue. Et ça va encore plus vite que je ne le pensais il y a 20 ans ou 10 ans. Jérôme Villa, il y a un grand bouleversement qui est à l'œuvre dans ce domaine du transport spatial. On va le décrire abondamment ce soir. Mais comment est-ce que vous vivez ce bouleversement? Est-ce que vous le vivez comme une menace ou comme un aiguillon qui vous donne de l'enthousiasme? Alors, c'est une période qui est fascinante, évidemment, comme ingénieur. Quand j'ai démarré il y a 20 ans, donc on en parlait juste avant, c'était une dynamique qui était différente, qui, vous disiez, ça ronronnait. Effectivement, on était sur les succès d'Ariane et on dominait un petit peu le secteur des lancements spatiaux. Là, on est... On le dominait complètement, là. Complètement. On était les rois. À l'époque, on était les rois. Et donc là, on est un petit peu bousculé à la fois par l'extérieur, la compétition, et aussi parce que les activités spatiales, cette fois les satellites, les missions que l'on sert, sont en train de se transformer au travers de la révolution du numérique, aussi dans les télécommunications, l'observation de la Terre, etc. Donc ce croisement de deux facteurs de changement, la compétition et l'évolution des usages des satellites, conduit à une période de foisonnement, de bouleversement qui est, comme un ingénieur, fascinante à vivre. Donc je préfère, pour répondre à votre question, je suis très heureux dans cette période parce que c'est l'occasion de s'exprimer, d'exprimer nos talents, nos envies, nos audaces. Et c'est vraiment quelque chose qui est à l'œuvre au CNES. Quel est à votre sens l'ingrédient principal de ce bouleversement actuel? Ah là, on a touché quelques mots. L'élément principal, c'est que les activités commerciales liées à l'espace se sont développées. L'espace a connu plusieurs périodes depuis l'âge des pionniers de 1957. Donc il y a une période un peu d'observation des grandes puissances qui se jaugeaient un petit peu au travers des activités spatiales. Ensuite, l'espace a été un vecteur pour réaliser des activités de défense, d'observation, puis scientifique, et puis petit à petit commercial, et Ariane Espace a été créé à ce moment-là et a pu connaître son essor grâce à ce développement. Par commercial, on entendait les télécommunications spatiales, et c'est encore aujourd'hui l'activité majoritaire. Donc c'est envoyer des satellites de télécommunications, c'est l'activité majeure d'Ariane aujourd'hui. C'est ça, c'est les deux tiers des lancements Ariane sont aujourd'hui des lancements commerciaux, donc qui sont payés non pas par le contribuable, mais par des acteurs économiques. Et encore même, la majorité de ces activités commerciales, c'est du broadcast télévision, ce qu'on appelle la diffusion télé, à l'échelle de continents, même si c'est un modèle qui parle peu, puisque maintenant on est passé à l'ère un peu du numérique, des box, etc. À l'échelle de la planète, à l'Amérique du Sud, l'Asie, etc., c'est encore l'activité dominante économique. Et cette activité est en train de se transformer. Je parlais des box, vous imaginez un petit peu la transformation de l'usage de la télévision, et la manière dont on diffuse la télévision aujourd'hui par les box. Il se passe la même chose dans la télécommunication par satellite. Et donc on passe d'un monde où on raisonnait par canaux hertziens diffusés par satellite à un monde où on commence à raisonner en gigabits, terabits secondes diffusés par satellite. Donc la data par satellite est en train d'émerger comme étant le marché principal. À côté de ça, il y a aussi l'observation de la Terre et ses usages commerciaux. Auparavant, l'observation s'était dédiée principalement à la défense et puis au climat, à la météo. Et là maintenant, tout le monde a Google Maps et puis les photos qui vont avec. Donc une partie importante des photos viennent de l'usage du satellite. Et puis il y a plein d'applications par l'observation terrestre qui se développent, des applications commerciales. Donc cette pénétration ou cette domination des activités commerciales dans l'espace qui était auparavant un domaine plutôt souverain, étatique, c'est à mon avis le point d'inflexion qui fait qu'on rentre dans une période nouvelle. Vous êtes d'accord, Alain Dupas, quel serait l'ingrédient majeur ou qu'est-ce qui vous étonne le plus là dans ce qui s'est passé ces dernières années? C'est l'accélération du phénomène, effectivement, comme le disait Jérôme. Il y a une quinzaine d'années, on était très stable, très plat, d'une certaine manière. On avait un nombre de lancements constants par an. Ariane avait 50% du marché mondial des lancements ouverts. Parce qu'il y a quand même toute une activité spatiale étatique qui est beaucoup plus importante aux États-Unis qu'en Europe et auxquelles on n'a pas accès, comme pour fournir des lancements, bien sûr. Donc on dominait le marché du lancement commercial et c'était un marché très stable, ce qui nous assurait une dizaine de lancements par an d'Ariane 5. Bien, mais c'était... Et ce qui m'a surpris, enfin j'ai surpris d'une certaine manière, parce que quand j'ai vu émerger ce jeune homme qui était Elon Musk, j'ai attiré l'attention sur un certain nombre de personnes en Europe là-dessus, et on le considérait vraiment ici comme, pas très crédible. Un farfelu. Il partait de zéro, pas vraiment, mais non. Il avait quand même déjà fait une entreprise dans le domaine du numérique qui avait très bien marché. Qui s'appelait PayPal, il l'a vendu et il avait. Mais au lieu d'aller vers l'internet comme d'autres auraient été, il a décidé d'investir dans deux domaines qui lui paraissent industriels classiques, hein, donc qui ne sont pas a priori, qui n'étaient pas du tout dans le domaine des industries du numérique. Donc l'un de ces domaines, c'est l'espace, l'autre c'est la mobilité électrique et l'énergie électrique. Avec les automobiles Tesla. Avec Tesla, pas seulement. Tesla fait partie d'un ensemble qui intègre non seulement les batteries, mais l'équipement des maisons individuelles aux États-Unis. Donc, il a investi dans ces deux domaines et il est parti. Ça a été créé en mars 2002, sa société. Ils étaient une dizaine. Et aujourd'hui, ils sont 6000 et ils ont effectivement, en appliquant de nouvelles méthodes d'organisation, aucune révolution technique, mais simplement, ils ont utilisé de nouvelles méthodes d'organisation, de là, travail. Là, vous parlez de SpaceX ? Oui, de SpaceX. Et 6000 à l'échelle de ce qui se passe en Europe, de l'industrie spatiale européenne. C'est à peu près la même taille que Ariane Group, par exemple. Hein. Oui, c'est que ça. Ariane Group fait 8000. Tout Ariane Group. Oui, bien c'est-à-dire sûr. C'est-à-dire c'est aussi les Airbus, c'est pas Non. Ariane Group, c'est de la partie. Une filiale conjointe de Airbus et de Safran qui fait que des fusées. Ah pardon, c'est les lanceurs. Airbus Group, c'est les lanceurs. Des fusées, des missiles et de la propulsion spatiale. Non, c'est donc à peu près du... Il est arrivé à avoir une société qui est à peu près de cette taille, qui continue à croître très très vite, parce que partir de 10 personnes et arriver à 6 ou 7 000 personnes en 2018, il faut croître vite. Le taux de croissance a été pratiquement de 50% par an, donc ça se comprend. Donc ce qui est arrivé, c'est qu'il a mis sur le marché une nouvelle famille de lanceurs, les Falcon 9, et... il a été capable de les fabriquer pour beaucoup moins cher, de les vendre aussi donc moins cher, et donc de bouleverser complètement le marché, mais pas seulement pour ce qui concerne Ariane, également pour les acteurs bien établis du transport spatial aux États-Unis. Aux États-Unis, voilà. Donc il a changé le paysage. Ouais. Et bien sûr, c'est un défi. C'est un défi pour nous, c'est un défi pour tous aussi les autres acteurs du transport spatial aux États-Unis. Comment on fait pour le suivre ? Il a été vite. En plus, il a réinvesti tout ce qu'il dégageait des activités qu'il conduisait pour introduire de nouvelles manières d'opérer. En développant la récupération et la réutilisation des premiers étages des fusées. C'était quelque chose qui était considéré comme n'ayant pas de sens, n'ayant pas de valeur économique. Et lui, il l'a fait propres. Ouais, hein. J'ai écrit un article dans Ciel Espace, il y a peut-être 6 ans, quelque chose comme ça, un article de 5 pages, dans lequel j'interrogeais des ingénieurs, et notamment du CNES, et on me disait, grosso modo, techniquement, c'est à peu près pas faisable, c'est trop compliqué, il y a des phénomènes, parce que c'est une espèce de tube qu'il faut faire retomber, il y a une aérodynamique qui marche pas. Et même si on arrive à le faire, ça va coûter extraordinairement cher et on n'est pas du tout sûr de récupérer notre mise, que ce soit commercialement, enfin financièrement intéressant. Donc grosso modo, on n'ira pas là-dedans. Et Elon Musk, grosso modo, c'est une voie sans issue. Et finalement, ce n'est pas le cas parce que ça marche donc, techniquement, mais financièrement, c'est intéressant aussi. Ouais, ça n'aurait pas vraiment de sens si le marché des activités spatiales ne s'était pas transformé lui aussi. Les deux étant liés. Je veux dire simplement que, comme Jérôme l'a dit, l'activité commerciale principale dans l'espace, ce sont les télécommunications. Et dans ces télécommunications, le domaine principal là aussi, c'était la télévision. Et ça le reste encore. Mais avec l'avènement de la mobilité au débit universelle, je dirais, qui va être là avec ce qu'on appelle la 5G, la cinquième génération des terminaux mobiles, Il y a une partie des services qui devront sans doute être fournis par des satellites, mais pas ceux qu'on connaît, par des, ce qu'on appelle des méga-constellations. C'est des milliers de satellites beaucoup, très proches de la Terre. Et bien sûr, ces satellites, il va falloir les lancer. Et là, ça pose... Si vous voulez, on n'est plus du tout dans un marché plat. On est dans un marché en pleine explosion. Et quand vous avez les services qui vont être demandés par ces méga-constellations, eh bien, ce sont des services qui vont exiger des prix plus bas et surtout des cadences de plus en plus élevées. On s'était habitué à trouver très bien de lancer 10 fois par an. Là, on va comme parler probablement de dizaines ou même peut-être de centaines de lancements par an. Donc, c'est un changement d'échelle. Changement d'échelle. Jérôme Villa, avant de vous passer à vous la parole dans le public, et évidemment, on a énormément de questions à vous poser parce que le sujet est gigantesque. Jérôme Villa, parlons d'Ariane 6 alors quand même d'un mot. On pourra revenir évidemment sur Falcon, SpaceX, etc. Mais donc la réponse de l'Europe, c'est Ariane 6. L'idée, c'est grosso modo de baisser les coûts par deux, hein, de diviser les coûts par deux. Ça coûte, un lancement coûtait environ 100 millions et puis on va le baisser quoi, à 60, quelque chose comme ça. Avec en faisant des transformations assez nombreuses, c'est aujourd'hui le cheval de bataille de l'Europe. Est-ce que Ariane 6 sera au rendez-vous? Est-ce que ce sera effectivement, à votre sens, le lanceur qui va permettre à l'Europe de rester dans la course d'une certaine manière? Alors oui, pour répondre de manière très courte à votre question, le Ariane 6 a été décidé en 2014 et c'est effectivement la meilleure réponse qu'on pouvait apporter à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette voie-là. Qu'est-ce que c'est qu'Ariane 6? Alors on pourra revenir au fil des questions sur les raisons qui nous ont poussé vers ce choix-là. Ariane 6, c'est, vous savez qu'on opère aujourd'hui Ariane 5. C'est une fusée qu'on a lancée plus d'une centaine de fois, dont on connaît intimement tous les ressorts technologiques. Et puis voilà. Et donc on refait autour de ce produit qui était quand même Ariane 5. Moi, j'ai été dans le développement Ariane 5 pendant plus de 10 ans. C'est quand même de l'artisanat de haut vol. C'est de la haute couture en quelque sorte. On refait à partir de ce produit-là quelque chose qui est plus dans une logique industrielle. Donc penser autour de l'optimisation des coûts. Et on profite de notre connaissance intime de la technologie, des défauts, des faiblesses et de ceux qu'on peut aussi simplifier dans le produit pour en faire un cheval de course, pour en faire voilà, quelque chose qui est beaucoup plus efficace. Et c'est ça la logique qu'il y a derrière Ariane 6. Donc c'est une réponse qui est rapide et qui est efficace économiquement, au sens où, comme vous le disiez, on va diviser les coûts par deux. Donc le projet est en phase de définition détaillée, comme on dit dans notre jargon, donc il avance très bien, il est un peu au-delà de sa moitié. Vous pouvez voir sur internet le progrès des jour par jour du chantier du bâtir qui est fait par le CNES. Et puis côté fusée, à Kourou, c'est en train de se construire. Voilà. Le rendez-vous, c'est quand le premier lancement? C'est en 2020. 2020. Ouais, 2020 qui va être une année, on a discuté en préparant, une année dense, puisqu'il y a plusieurs rendez-vous qui se profilent à 2020. Donc la fusée, le développement de la fusée est sur les rails. On a un moteur au banc qui est en train d'être testé, qui est une évolution du moteur Vulcan d'Ariane 5. On a le pâtir qui est en cours de montage. Et puis voilà, donc c'est le projet suit son cours et donc on est bien au rendez-vous de ce défi qu'on s'était lancé. Déployer une Ariane à moitié coût de Ariane 5 en 2020, donc en 6 ans. Alors on n'est pas entré dans le détail pour expliquer comment SpaceX avait réussi à baisser les coûts autant. Est-ce qu'on peut, je peux quand même vous poser la question sur Ariane. Comment est-ce que d'un seul coup on se dit, bah voilà, on fait une nouvelle Ariane et on réduit les coûts 50%? Alors il y a plusieurs leviers. Le premier levier, je l'ai évoqué dans la question précédente, on repose sur des technologies que l'on maîtrise, que l'on connaît bien, que l'on a testé en vol puisqu'on a volé avec Ariane 5 avec les mêmes moteurs, le Vulcan, avec des technologies proches, même si elles évoluent un petit peu avec Ariane 6. Donc ces technologies qu'on connaît, qu'on a maîtrisées et qu'on a testées, on est capable d'en connaître les limites, on peut simplifier le produit et avoir des plans d'opération beaucoup plus courts. On peut simplifier le moteur Vulcan qui est le moteur principal pour en faire une version plus simple. On peut aussi bénéficier, il faut s'imaginer, les développements de fusées c'est très très long. Donc le moteur, je parlais du moteur Vulcan qui est le moteur cryotechnique principal, il a été conçu au milieu des années 80. Donc la fabrication additive, tout ça, ce sont des choses qui n'existaient pas et qu'on introduit là, maintenant, sur Ariane 6. Parce que c'est un bon moment, et particulièrement sur un produit dont on maîtrise les marges et qu'on connaît très bien. C'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est que si vous connaissez un petit peu notre activité, on opère aujourd'hui de Kourou trois types de fusées. Une petite fusée, Vega, une fusée, disons classe moyenne, qui est Soyouz, la fusée historique russe qui est au travers d'un accord entre la France et la Russie, est exploitée depuis Kourou, et puis Ariane 5 pour les grosses charges utiles. Avec Ariane 6, on décline la fusée en deux versions, une version moyenne et une version lourde. Ce qui fait qu'on va adresser deux segments de marché, le segment de marché moyen et lourd, qui était aujourd'hui adressé par deux fusées très différentes, voire même franchement complètement disjointes, Soyouz et Ariane 5. Donc par cet effet-là, on rentre dans un volume de production plus élevé. Là où des Ariane 5, on en lance encore ces dernières années 5, 6 par an, on va lancer 10, 11, 12 fusées par an parce qu'on adresse aussi le segment Soyouz. Donc on a un gain aussi par cette cadence, parce qu'on est dans une économie de la production, donc plus on produit, plus on gagne sur les coûts. Donc voilà, simplification des opérations, la cadence, et puis on amène un petit peu de nouvelles technologies qui n'étaient pas disponibles dans les années 80. C'est, pour faire court, c'est les trois leviers qui permettent assez rapidement de gagner un facteur 2 sur les coûts. Je reconnais ça. Avec Jérôme Villa, la la la la la la la la la la la la la la la, la soirée s'annonce bien. Car Alain Dupas, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa C'est à vous de prendre la parole maintenant, de discuter directement avec les deux intervenants. Il y a énormément de sujets qu'on n'a pas traités. Oui, bonsoir. J'ai une petite question. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais avoir plus d'informations. Pendant des années et des années, jusqu'à il y a 3-4 ans, le CNES avait des projets de lanceurs utilisables, mais disait toujours « ça ne va pas marcher, ça coûte trop cher », etc. Bon, on voit qu'aujourd'hui, au moins, la réponse n'est pas si simple que ça. Où est-ce que vous, en tant que CNES, vous vous êtes trompé? Est-ce que c'est un problème commercial? Est-ce que c'est un problème d'ingénierie? Est-ce que c'est un problème d'organisation? Ou est-ce que c'est peut-être tout simplement que les marchés, l'organisation, même industrielle, en Europe et aux États-Unis, font qu'en Europe, ce ne serait pas possible comme ça a pu l'être aux États-Unis? Alors, je vais prendre celle-là, si tu veux. Elle était pour vous, de toute façon. Je me sens coupable de l'interview d'Air Cosmos il y a 4 ans. C'était pas moi, mais enfin, j'aurais pu dire la même chose. Vous avez un peu tout dit dans votre question. Les facteurs ont changé. Le premier facteur qui a changé, c'est que les marchés spatiaux, comme le disait Alain, auxquels on s'adresse, ils étaient plats et on raisonnait avec 5-6 lancements d'Ariane 5 par an, et puis on était au top, hein, je dirais. Avec 5-6 exemplaires par an, équilibrer une équation économique autour de la réutilisation, c'est sacrément compliqué. La réutilisation est d'autant plus facile, si je puis dire, ou logique, ou simple à faire, ou à réaliser, qu'on a une grosse cadence de lancement. C'est ça. Ouais, et même ouais. Vous avez encore des rasoirs jetables et des rasoirs électriques, j'imagine. C'est vrai. Moi, j'ai des rasoirs jetables, donc vous voyez, ils ne sont pas réutilisables, mais il y a toujours une équation économique qui est en compétition avec une autre. Ce facteur-là a changé et qui fait que notre regard sur l'économie de la réutilisation change. Ensuite, là aussi vous l'avez dit, les conditions dans lesquelles nous on exerce notre activité en Europe ne sont pas les mêmes que celles aux États-Unis. Aux États-Unis, ce qui a fait le succès de SpaceX et qui le porte encore, c'est le volume du marché institutionnel, du marché public américain, la NASA et l'US Air Force. Encore une fois, c'est cette question du nombre de lancements effectués dans l'année. C'est ça, et du nombre de lancements captifs. Parce que nous, on aimerait bien aussi faire de la compétition sur le lancement de la NASA, on ne peut pas. C'est pas ouvert à Ariane. Je pense qu'on pourrait apporter des prix qui sont parfois compétitifs par rapport à ce qu'on voit. Ça, c'est intéressant parce qu'on y reviendra évidemment, mais on a dit que Falcon était moins cher, mais finalement, en fait, quand ils vendent des lancements à la NASA ou des lancements à l'État, etc., américains évidemment, là, pour le coup, ils gonflent les prix. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas s'ils gonflent les prix, mais enfin... Ils sont élevés en tout cas. C'est plus élevé que le marché commercial. Voilà. Ça peut paraître curieux, en effet. Donc, il y a ce marché captif un peu aux États-Unis qui est très, très vaste. Juteux pour eux, en plus. Et juteux. Ouais. Les deux tiers de l'activité donc, de SpaceX, c'est ce marché-là. Alors que nous, la proportion est inversée. Deux tiers de notre activité, c'est du commercial et seulement un tiers pour le marché public. Donc ils ont cet effet de volume qui rend l'équation plus élevée. Bon, une fois que j'ai dit ça, je crois quand même qu'on a beaucoup appris dans la maîtrise de cette équation économique et puis après sur la réussite technique aussi. Il y a quand même un talent extraordinaire qu'il faut saluer à faire revenir une fusée sur une barge au milieu de l'océan avec un temps affreux, des vagues, etc. Donc il y a aussi un talent qui a été nourri par beaucoup d'expérimentations à la fin des années 80, enfin dans les années 90 aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de programmes aussi de défense et de NASA sur les lanceurs réutilisables. Ces gens-là ont expérimenté, ça n'a pas donné lieu tout de suite à une fusée, mais ça a amené un background technique qui a été réutilisé avec beaucoup, encore une fois, beaucoup de talent par SpaceX au moment où ils se sont lancés sur la Falcon. Donc voilà, il y a une situation différente aux États-Unis. Les marchés économiques auxquels on s'adresse changent et amènent beaucoup plus de lancements. Et puis en plus, il y avait un background technique que là, c'est vrai, on a, je pense, assez pas bien évalué au moment où on a fait le diagnostic dont vous parliez. Tout ça fait que c'est un sujet maintenant qui a plus de pertinence qu'il n'en avait il y a 10 ans, même pour nous. Il y a l'un de vous qui m'a dit, quand on en a parlé au téléphone, qui m'a dit, en fait, on ne regardait pas dans la bonne direction. Je ne me souviens plus qui avait dit ça. L'un de vous deux. Peut-être. Alors, je vais du coup, Jérôme Bila. Je vais assumer cette intervention. Oui, je pense qu'on ne voyait pas... Je pense que la transformation des activités spatiales qu'on a évoquées, on la vit maintenant. Je pense qu'on a eu un petit défaut d'anticipation. Alors, ce n'est pas maintenant, hein, puisque c'est encore en devenir. Aujourd'hui encore, on lance des satellites de télécom géostationnaires. Donc, on est un peu encore dans les marchés qu'on a connus. Classiques, ouais. Classiques, qui ont commencé dans les années 80 et qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Par contre, on voit poindre, au début des années 2020, ces nouvelles applications du spatial. Et c'est vrai qu'on ne les a pas considérées, sans doute, suffisamment à cette époque-là, à la fois pour les développements de nos propres satellites et puis pour les lanceurs spatiaux. Alain Dupas, Ariane 6, dans sa version moyenne ou sa version heavy, si je puis dire, est un bon cheval de bataille pour lancer les méga-constellations, ces petits satellites qu'on va lancer par milliers. C'est un bon début. C'est un bon début, il faut le faire. Je pense qu'en faisant... Mais là, Jérôme est bien plus compétent qu'on là-dessus. Je pense qu'on apprend beaucoup sur le plan industriel pour... en apprenant à produire, à fabriquer autrement Ariane 6. Mais... tout cela, c'est en devenir, comme le disait Jérôme. Mais si, par exemple, les méga-constellations deviennent l'un des principaux marchés de l'espace et jouent un rôle dans la transformation profonde de l'économie et de la société mondiale qui va venir avec donc ce qu'on appelle la 5G, quelque chose qui arrive. Hein. Les premiers smartphones 5G sont d'ores et déjà testés et tout ça va vraiment démarrer au début des années 2020. Donc si cela voit le jour, les cadences qui vont être nécessaires impliqueront des évolutions d'Ariane 6 pour pouvoir monter en cadence et... bien entendu, aussi baisser les prix. Parce que si vous avez un client qui vous achète 50 lancements, il ne va pas vous les prendre au même prix que si vous en vendez 2 ou 3. Donc il faut réduire les prix et avoir l'outil industriel augmenter la cadence. Si vous voulez, la montée des cadences, c'est quelque chose qui peut être absolument fondamental pour l'évolution des lanceurs futur. Mais ceci peut se faire d'une manière évolutive. C'est-à-dire progressive, c'est ça ? Oui, bien sûr. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un seul coup et de tout casser, de recommencer à zéro. Musk a commencé à zéro, c'est vrai, c'est un avantage. Son premier lancement ne remonte qu'à 8 ans, mais dans ces 8 ans, il a fait évoluer son lanceur en introduisant donc la réutilisation du premier étage, mais ça, c'est vraiment son initiative parce qu'il croit que pour les grands volumes d'activités qui s'annoncent, il faut des lanceurs réutilisables. Mais dans le même temps, il a fait évoluer techniquement son lanceur qui a plus que doublé en performance en 8 ans. Et en termes de cadence, au départ, il lançait 4-5 fois par an au maximum. Et depuis le début de l'année, il a fait 9 lancements. Et je pense qu'il serait capable de faire, dans 2 ou 3 ans, une centaine de lancements par an, si c'est nécessaire. Donc nous, outil actuel. Bien. Si vous voulez, à partir du moment où vous réutilisez, vous commencez à avoir un stock de lanceurs, c'est plus tout à fait pareil. Ouais. Vous n'avez pas à augmenter votre production. Vous avez à gérer les lanceurs que vous avez. Et d'ailleurs, il prépare une génération pour après. Ça, c'est tout à fait son type d'esprit. Mais la navette américaine, elle était réutilisable, mais ça coûte, la réutilisation de la navette coûtait des sommes faramineuses parce qu'il fallait à chaque fois la remettre en état, si je puis dire, changer notamment les tuiles qui la protégeaient des hautes températures qu'elle rencontrait au retour sur Terre. Et pourquoi est-ce que d'un seul coup, ça devient simple, la réutilisation ? Vous m'avez dit que le premier étage là, qui revenait sur Terre, on pourrait peut-être l'utiliser des dizaines de fois. Oui, bien sûr. Mais attendez, là, il faut pas. La navette, c'était autre chose. Parce que la navette, c'était un véhicule réutilisable qui ne. C'était pas un premier étage. C'était un véhicule qui allait dans l'espace et qui revenait. Donc, qui allait beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Oui. Et qui s'échauffait davantage. Très simplement, je veux dire qu'il y a un rapport de complexité de l'ordre de 100, hein, tout simplement. D'accord. Oui, parce que le premier étage d'un Falcon, ça monte à Mach 6 et à 100 km d'altitude. Une navette spatiale, ça revenait d'une vitesse de 8 km secondes. Et donc, c'était, en termes d'énergie, c'était bien plus compliqué. Je dirais que la navette, on pourrait dire beaucoup de choses sur la navette, c'était techniquement remarquable, mais ça a appris énormément de choses aussi. Mais maintenant, les lanceurs complètement réutilisables, c'est ce qui viendra après. C'est-à-dire que maintenant, même si nous, on va travailler sur, bien sûr, l'introduction progressive dans des évolutions de la réutilisation pour la prolongation d'Ariane 6. On fait ça, il ne faut pas ne laisser de côté l'idée qu'après, si vraiment les marchés spatiaux continuent d'exploser, il faudra des systèmes qui soient complètement réutilisables. Le Falcon n'est pas complètement réutilisable. On récupère des boosters quand il y en a. Alors évidemment, le premier étage, c'est 70% de la valeur du lanceur. Ah c'est oui. Déjà ça. Mais ce n'est qu'une étape. Non, c'était la navette, c'était un véhicule, en plus c'était un véhicule habité. Sincèrement, faire attention. C'était un véhicule d'une complexité extrême et je pense que les Américains ont appris énormément avec la navette, comme nous on aurait appris si on avait mené Hermès jusqu'au bout. Hein. Je voulais revenir juste sur le début de votre question, est-ce que Ariane 6 est bien adapté aux constellations ? Donc Alain a un petit peu dévoilé tout ça. Vous savez que la première méga constellation, vous ne savez peut-être pas d'ailleurs, la première méga constellation de télécommunications qui se présente s'appelle OneWeb. Et que l'Europe est plutôt bien placée dans OneWeb, puisque les premiers satellites sont construits à Toulouse par Airbus Defence and Space, même si la ligne de production définitive sera en Floride. Donc c'est quelque chose où l'industrie européenne est plutôt bien placée, et vous pouvez imaginer que aussi on se parle assez facilement entre Airbus Defence and Space, OneWeb, et ArianeSpace ou ArianeGroup. Donc c'est pas... on n'est pas à côté de l'histoire. Hein. Effectivement, Ariane 6 est plutôt bien ciblé par rapport à ce type de produit-là. Bien ciblé par rapport à ce type de produit-là. J'avais une main qui s'était levée ici, cher monsieur. Mais il vient de prendre une bouchée, alors on va la laisser la terminer quand même. C'est Livio, je le reconnais. Eh oui, ça, c'est les bars de l'espace, les mardis de l'espace. Oui, bonsoir. Donc j'avais une question par rapport à ce qui a été dit il y a un moment sur la rentabilité d'Ariane 6. Je voulais savoir s'il y a en ce moment une évaluation du nombre de lancements d'Ariane 6 au-delà duquel on peut dire que le lanceur Ariane 6 est le plus compétitif par rapport à SpaceX, si on peut raisonner dans ces termes-là, si ça a été fait en étude. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est vis-à-vis du marché des mini-satellites. Ça a été vu, ça a été réfléchi sur le fait que les mini-satellites puissent représenter vraiment un business case et donc ça vaut la peine de s'y mettre sérieusement. Voilà, merci. Alors, je vais commencer par la deuxième question, parce qu'on ne l'a pas abordé dans l'introduction et c'est un élément intéressant aussi de ce paysage qui est en plein bouleversement. Alors, comment vous expliquer la chose ? Il y a quelques années, des universitaires californiens ont inventé un format de satellite tout petit qui s'appelle le CubeSat, standardisé, sur lequel qu'ils avaient conçu comme un outil de pédagogie pour leurs étudiants. Les étudiants sont devenus des ingénieurs, ils sont rentrés dans les sociétés et ils ont fait comprendre aux sociétés qu'ils ont intégrées que ce format-là, qui était extrêmement petit, donc cheap, hein, pas cher c'est du tout. C'est typiquement quoi les... Alors les CubeSat, c'est standardisé, donc des formats 1U, 2U, 3U, ça s'appelle U comme unité. Et c'est, alors un U, je crois que c'est 10 cm sur 10 cm, ça. C'est un cube de 10 cm de côté, c'est ça. Et c'est 1 kg, je crois. Et puis après, c'est un peu plus compliqué. 1 kg, 10 cm. Oui, un peu plus compliqué parce que je vous dis 6 U, c'est pas 6 kg, c'est un peu plus. Mais en tout cas, c'est des formats très petits que peuvent travailler les étudiants. Et ils sont arrivés dans les sociétés qu'ils ont intégrées avec cette culture de « on peut faire de l'espace utile dans des formats extrêmement contraints et extrêmement peu chers ». Et ça a pris quelques années. Et aujourd'hui arrive cette vague-là qui montre qu'avec des satellites qui ont un ordre de grandeur de coût extrêmement plus faible que ce qu'on connaît pour les gros satellites, on peut faire de l'espace utile. Donc il y a une société qui est célèbre qui s'appelle Planet Lab, enfin qui s'appelait Planet Lab, maintenant ça s'appelle Planet, je crois, et ça a été renommé, qui lance des satellites qui font la taille même pas de la table et qui observent la Terre. Et à partir de là, ils en lancent des fournées, en quelque sorte, et ils produisent des services d'utilisation basés sur l'optique, enfin sur les photos que prennent ces satellites. Et il y en a plein d'autres dans ce style-là. Donc au travers de ce mouvement-là, c'est popularisé ce format des petits satellites, y compris dans des applications utiles, commerciales, donc orientées business et non plus étudiants. Et ce qu'évoque la question, c'est est-ce que ce format-là, très inférieur à ce qu'on utilise, les satellites qu'on lance de télécommunication, ils font 6 tonnes, 7 tonnes, donc c'est des géants par rapport à ça, est-ce que ce format des petits satellites justifie une activité commerciale? Eh bien, c'est une question qui se pose. Elle se pose aux autres comme à nous. Et elle est extrêmement stimulante pour les ingénieurs, puisqu'il y a une soixantaine de projets de ce qu'on appelle de micro-lanceurs, donc de lanceurs de taille adaptés à ces produits-là, qui se développent par le monde. Donc là, c'est pas Ariane 6 pour lancer. Ça, c'est pas Ariane 6, non. Pour lancer ces microsats. Alors, je vois Alain Dupas qui lève le doigt. Tu veux que j'en parle ou... Alors, oui, parce que quand on veut lancer des petits satellites dans l'espace, il y a trois modes de lancement qui peuvent venir à l'esprit, qui vont vous parler dans la vie quotidienne. Je vous dis un micro-lanceur, donc c'est un lanceur qui est adapté à votre besoin et qui vous amène là où vous voulez, etc. Donc c'est l'équivalent du taxi si vous voulez vous déplacer. Après, vous pouvez amener un wagon de petits satellites dans un lanceur de plus grande capacité, un lanceur Vega typiquement. Vous allez amener une dizaine ou une vingtaine de satellites, ou le PSLV indien qui fait ça très bien. Là, c'est le format du bus. Donc chacun paie son ticket. Il y a une destination unique. On s'est mis d'accord plus ou moins consensuellement sur quelle est la destination qui convenait à tout le monde. C'est la trajectoire, hein, finalement. C'est la trajectoire, c'est l'orbite finale. Du satellite, l'orbite finale, oui. C'est ça. Et enfin, il y a un dernier modèle qui est celui qu'utilisera Ariane 6 et qu'utilise déjà Ariane 5 depuis quelques années, qui est celui de l'autostoppeur. C'est-à-dire que vous allez embarquer, il y a un passager principal qui occupe la quasi-totalité du volume et de la masse de la coiffe, mais il reste une petite place pour des satellites de 1, 10, jusqu'à 100, 200 kilos. Et bien cette place-là, si vous êtes un autostoppeur, donc vous arrivez un petit peu en plus, avec les avantages et les inconvénients de l'autostoppeur. Vous ne payez pas cher, voire même des fois c'est gratuit. En revanche, vous ne choisissez pas où vous allez, vous êtes un peu mal considéré ou maltraité par le passager principal. Mais voilà, et donc il y a ces trois modèles, le taxi, le bus, l'autostop qui se développent. Et là, le business model en quelque sorte sur lequel il y a un point d'interrogation, c'est est-ce que le modèle du taxi est viable? Et là, c'est là-dessus qu'il y a une soixantaine de projets, dont des projets européens. Des petits lanceurs, donc le taxi c'est le petit lanceur. Des tout petits lanceurs. Ouais, c'est ça, tout petit lanceur. Tout petit lanceur, on lance ça à quelle taille là, typiquement, un petit lanceur? Alors, c'est des lanceurs qui amènent, je vais commencer par la capacité en orbite, qui amènent entre 10 et 200 kilos en orbite. Donc, par rapport au Ariane 5 ou Ariane 6, ce sera entre 10 et 15 tonnes. Voilà, vous voyez, c'est un autre ordre de grandeur. La taille du lanceur. Alors malheureusement, on peut pas. Quand on veut lancer 1 kg en orbite, il faut quand même accélérer à 9 km seconde. Donc il y a une équation qui est un peu compliquée, qui n'est pas linéaire. Vous ne pouvez pas imaginer un lanceur qui ferait moins de 10, 15, 20 mètres de haut. À un moment donné, vous avez besoin d'accélérer à 9 km seconde, même pour amener 0 kg en orbite. Donc c'est à peu près la taille limite, une vingtaine de mètres de haut. Et des lanceurs, ça dépend de leur technologie, qui font un poids. Donc je ne saurais même pas donner de poids en fait. Mais enfin, ils sont beaucoup plus petits. Et le premier lanceur... Quelques tonnes. Un lanceur de quelques tonnes. Le premier lanceur opérationnel et commercial de cette famille-là, c'est Rocket Lab. C'est un lanceur développé à la fois par des Américains et des Néo-Zélandais et qui a lancé pour la première fois avec succès en janvier 2002 cette année. Et donc la Nouvelle-Zélande, à sa propre grande surprise, est devenue une puissance spatiale au début de l'année. À sa propre surprise, parce que finalement l'État ne l'avait pas prévu, c'était une initiative privée. Et ça y est, maintenant on peut lancer des satellites depuis la Nouvelle-Zélande. C'est ça. Je pense qu'ils étaient au courant, mais ils ne s'attendaient pas à ce que ça réussisse. Et donc vous avez vu se monter un peu dans l'urgence une agence spatiale néo-zélandaise, une loi spatiale. Ah, il n'y avait pas d'agence spatiale ? Non. Ah, d'accord. Alain Dupin. Ah, il y a la première question aussi sur... Alors, je peux dire que le point économique sur lequel est réglé Arensi, c'est un peu moins d'une dizaine de lancements par an. Donc, c'est quelque chose d'assez conservatif, parce que c'est quelque chose qui correspond au marché qu'on a aujourd'hui. Après, si on en a plus, eh bien, l'équation n'en sera que meilleure. Mais avec moins d'une dizaine de lancements par an, on est sur un point où on pense qu'on est dans la compétition mondiale. Ah oui, d'accord. Et rentable, c'est ça ? Et rentable. D'accord, d'accord. Vous avez levé le doigt, vous aviez l'air tout à fait d'accord là. Si, je suis d'accord. Rocket Lab est une société très intéressante parce que elle est effectivement néo-zélandaise. Le site de lancement est en Nouvelle-Zélande. Mais ils ont une filiale américaine et ils ont été... disons d'une certaine manière, acceptés comme s'ils étaient américains par la NASA. Et donc, la NASA a sélectionné trois petits lanceurs pour les propres besoins de la NASA. Et l'un de ces trois lanceurs, c'est le lanceur de Rocket Lab, et qui était très, très techniquement extrêmement intéressant. Les réservoirs en composite, et surtout, il n'utilise pas une turbopompe, c'est-à-dire... Le système qui envoie les propergols dans la chambre de combustion. Les propergols, c'est les carburants. Hein, oui, les carburants. Carburants et comburants. Voilà, bien sûr. Dans la chambre de combustion, mais ils utilisent non pas une turbopompe thermique, un moteur thermique, mais une turbopompe électrique. Un peu comme... Donc c'est un moteur électrique qui assure l'injection des propergols dans la chambre de combustion. Pourquoi est-ce que... Bah, vous savez, c'est beaucoup plus simple un système électrique qu'un système thermique. Hein. C'est un moteur ça chauffe très, très pas, simple. C'est ça. Et d'ailleurs, le moteur de Rocket Lab s'appelle Rutherford, qui était un grand savant et innovateur néo-zélandais qui a travaillé beaucoup sur ces questions électromagnétiques, d'électromagnétisme, d'électricité. Et donc, c'est une fusée très intelligente, mais elle n'est pas été faite aux États-Unis, mais elle va être utilisée aux États-Unis. Et donc, je pense que si nous, on développait en Europe des petits lanceurs, d'une manière, je dirais, intelligente par rapport à son positionnement international, on pourrait parfaitement... accéder à une partie du marché pour les petits lancements aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Pour les petits systèmes, il y a beaucoup moins de contraintes stratégiques. Hein. Et donc, il faut être ambitieux, et la Rocket Lab est très ambitieux, puisque leur but, c'est quand même d'avoir une cadence de lancement de 80 tirs par an. Ah oui. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de petits satellites, donc s'il y a beaucoup de taxis, bah, il faut que ces taxis ils roulent souvent. Et vous voyez, Rocket Lab, 80 lancements par an. C'est bien ce dont on parle aujourd'hui. Les lanceurs du futur sont des systèmes qui, soit réutilisables ou non, mais toujours innovants, eh bien, voleront beaucoup. Et c'est la tendance actuelle. Donc, personnellement, j'ai tendance à dire que le vrai défi des années 2020 pour faire évoluer Ariane 6, c'est d'être capable de monter en cadence pour faire face à une demande internationale qui pourrait être bien supérieure à ce qu'on pense. Nous sommes en 1969. Et l'homme va voir la lune face à face. Il faut donc du matériel tout neuf pour lancer ce bazar dans l'espace. Qui c'est qui lance Armstrong ? Qui c'est qui lance Armstrong ? Qui c'est qui lance Armstrong dans l'espace ? Qui c'est qui lance Armstrong ? Qui c'est qui lance Armstrong ? Qui c'est qui lance Armstrong dans l'espace ? Ariane 5, la navette, un Falcon, Apollo. Mais non, messieurs, dames, c'est son vélo. Mais oui, il avait inventé le premier lanceur artisanal. Ouais, mais on a compris, ouais. L'homme Armstrong. On a compris. Maintenant, on lance pas des vélos dans l'espace, on lance des voitures. Hein. Tu sais ça, Michel, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, une voiture rouge vers la planète rouge, ça va être ton sur ton. Mais bon, c'est pas ça la question. Comme d'habitude, j'ai beaucoup de questions et je vais essayer d'être rapide. Déjà, sur une pré-question, en quelque sorte, sur les performances, puisque... on avait eu un bar du CNES il y a déjà longtemps, il était question d'Ariane 6, mais je ne sais plus très bien quelle performance était annoncée. Est-ce que c'était refaire Ariane 5 simplement en plus efficace, moins cher, c'est-à-dire une vingtaine de tonnes en orbite basse, ou est-ce qu'il y avait des performances supérieures? Et alors c'est là que ça m'amène à la question... De remplacer les trois types de lanceurs actuels à Kourou, parce que le Soyouz, c'est moins de 10 tonnes comme puissance. Donc est-ce que les différentes versions d'Ariane 6 permettraient de décliner une gamme depuis le niveau Soyouz jusqu'à au moins Ariane 5 actuel, c'est-à-dire plus de 20 tonnes sachant que s'il y a des plus petits satellites, est-ce que ça serait simplement en les mettant deux par deux ou trois par trois? Voilà, ça c'est la première chose. Du coup, oui, il n'y a pas de problème. Il y a une suite, nous dit Michel. On a le temps. Allez-y. Alors, je vais essayer de répondre à votre question. Donc, Ariane 6, vous avez compris, le défi qui est lancé, le défi de l'avenir, c'est plus tellement la performance, la taille et la course à la masse lancée en orbite, mais c'est la maîtrise du coût et puis le bon positionnement dans les futurs marchés du spatial. Donc c'est pour ça que effectivement Ariane 6, sa performance maximale est à peu près celle d'Ariane 5. Alors en réalité un petit peu supérieure, surtout en géostationnaire qui est la capacité étalon en quelque sorte d'Ariane. Donc elle est un petit peu supérieure à Ariane 5, un peu moins en orbite basse, je crois que c'est à peu près pareil. Et c'est vrai que Ariane 6 dans ses deux déclinaisons, donc elle a une déclinaison avec deux boosters ou avec quatre boosters. Avec deux boosters, la version médium en quelque sorte, elle est à peu près dans la gamme Soyouz, même un petit peu au-dessus. Et en version 4 boosters, elle est dans la gamme Ariane 5. Donc voilà, je pense que ça répond un petit peu à votre interrogation. Que devient Soyouz dans ce cas-là? Parce qu'on lance des Soyouz depuis Kourou aujourd'hui. Eh bien, on verra. D'accord. Ça veut dire... Que, oui, on va encore se fâcher avec les Russes, j'ai quelqu'un qui me oui, dit ça. Moi, je peux développer un petit peu si vous voulez. Ah, je vous en prie. C'est un accord international entre la France et la Russie qui a une durée limitée, qui est renouvelée tous les, je ne sais plus combien, 7-8 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Et avec Soyouz, ce qu'on lance, paradoxalement, c'est pas mal de missions scientifiques ou de missions institutionnelles européennes. Donc, c'est des missions un petit peu stratégiques. Donc, on a peut-être envie d'avoir notre autonomie aussi à terme sur ces missions-là, et les Russes le comprennent très bien. Alors là ça me surprend un petit peu, parce que ça veut dire que non seulement il faudrait faire une Ariane 5 moins chère qu'une Ariane 5, mais que là, il faudrait faire une Ariane 6 pas plus chère qu'un Soyouz, ce qui est un défi assez important dans ce cas-là. Mais bon, c'est peut-être une question d'indépendance et de prestige, comme vous avez commencé à dire. Bon, attendez, je vais juste réagir là-dessus. Vous n'imaginez pas à quel point les Russes sont inventifs sur les prix des Soyouz. Hein. Ils savent très bien qu'on est dépendant et... Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça? Être inventif sur les prix. Alors, je peux vous dire qu'Ariane 6 sera moins cher que Soyouz. D'accord. Ça, alors, le point suivant, c'était sur les micro-satellites dont vous avez parlé tout à l'heure. Si on veut les lancer, c'est pesable avec des petites fusées, mais un engin comme Ariane, alors 5 on oublie, mais même 6 dans sa petite version, si on veut la remplir avec des micro-satellites, c'est-à-dire la question, le super autobus, disons, il en faudrait des centaines. Et si c'est pour lancer des constellations de microsatellites, le principe d'une constellation, c'est qu'ils sont sur des orbites complètement décalées, différentes. Donc ça risque d'être difficile à utiliser pour ça. Sauf si on en a un ou deux qui sont, comme vous avez dit, en autostoppeur avec un satellite principal. Donc je me demandais s'il y avait quelque chose de prévu dans comme je disais, intermédiaire pour les microsatellites. Et puis une autre option qui a dû être étudiée, pour les petites charges, comme ça, pour éviter d'avoir une trop grosse fusée. Est-ce qu'il y a des projets, je suppose qu'il y en a, mais je n'en ai pas entendu parler, pour lancer ce genre de petits satellites avec une fusée qui serait non pas partie du sol, mais partie à partir d'un avion pour la sortir des couches basses de l'atmosphère, un peu comme le X-15 était lancé depuis un B-52 à l'époque. Est-ce que ça permettrait d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger comme structure à développer pour faire le lancement, puisqu'on est déjà assez haut et un peu vite? Je vais essayer d'être concis, mais c'est très long de répondre à votre question, vous allez voir. D'abord, Ariane 6, c'est les petits satellites. Donc évidemment, Ariane 6, ce n'est pas un micro-lanceur de petits satellites façon taxi. Donc il va lancer les satellites soit en, comme je disais, un autostoppeur. Et là, on travaille sur le modèle de l'autostop cheap. La standardisation, le fait qu'on puisse amener un satellite à la dernière minute, etc. Donc on fait quelque chose qui est très différent de ce qu'on a fait sur Ariane 5. Donc l'autostoppeur, encore une fois, c'est on a un gros satellite qui fait plusieurs tonnes et on a des micro-satellites à côté. C'est ça. Et donc on ne va pas demander à l'autostoppeur de se déclarer 2 ans avant pour une analyse de mission compliquée, etc. Il pourra venir quelques semaines avant le lancement et on pourra le prendre. C'est un peu l'image sur laquelle on travaille. Avec une standardisation qui permet aussi de l'amener éventuellement sur Vega, puisqu'on va exploiter à la fois Vega et Ariane 6. C'est intéressant pour un autostoppeur de savoir qu'il a plusieurs opportunités de lancement dans l'année et que s'il signe chez Ariane Espace, il est sûr de partir dans l'année. Et ça, ça a une valeur très forte pour ces gens-là, hein. Plutôt que de se marier avec un micro-lanceur qui a les vertus du taxi, mais aujourd'hui, ils ne sont pas opérationnels. Et vous voyez, Rocket Lab, il n'a pas fait encore son deuxième lancement opérationnel, hein. Bon, ensuite, vous disiez, quand on doit en amener beaucoup pour une méga constellation de satellites, là, Ariane 6, c'est parfait. Parce qu'une méga constellation de satellites, vous avez besoin de déployer très vite beaucoup de satellites. Donc, vous allez remplir. C'est pas la performance. Mais tous sur la même orbite, c'était ça la alors, question. C'est tous, alors, on se débrouille. On est inventif aussi sur la manière d'utiliser le dernier étage de la fusée pour distribuer des groupes de satellites sur des orbites un petit peu différentes. Et ensuite, eux-mêmes, ils ont une stratégie pour rejoindre leur orbite opérationnelle. Donc tout ça, c'est un travail qu'on fait typiquement avec OneWeb. Et l'intérêt, c'est d'en lancer le maximum possible. Et je vais vous dire quelque chose. On n'est pas limité par la performance. Vous me demandiez tout à l'heure sur la performance. On est limité par le volume de la coiffe. C'est-à-dire qu'assez vite, on a rempli autant qu'on pouvait de mètres cubes avec 36, 72 satellites. Et finalement, la performance en termes de kilogrammes ou de tonnage en orbite n'est pas un facteur limitant. Et puis, j'ai oublié votre dernière question. Oui, les lancements aéroportés. Les lancements aéroportés, c'est un sujet qui nous a beaucoup travaillé par le passé. Entre les années 2007 et 2012, on a eu un avant-projet qui est allé assez loin, qui s'appelait Aldébaran, de lancement sous un Rafale. Donc c'était à la fois un moyen qui était pensé pour les militaires et puis pensé pour le marché commercial. Donc c'est un sujet qu'on connaît intimement. Il y a un petit avantage à lancer d'un avion, c'est vrai. C'est un avantage qui, malgré tout, est mesuré, parce qu'un avion, c'est pas quelque chose qui va vous accélérer très très vite. Avec un Rafale, on allait un peu en dessous de Mach 2, c'est déjà intéressant. Effectivement, on se passe de l'infrastructure de la base spatiale. On gagne un petit peu en altitude, mais l'altitude, c'est pas grand-chose dans un lancement spatial. Quand vous regardez l'énergie nécessaire pour lancer dans l'espace, c'est avant tout de la vitesse. Je pensais à l'aérodynamique, parce que quand on est plus haut, l'atmosphère est déjà plus faible, et donc c'est plus facile de lancer quand on est déjà à une certaine altitude vis-à-vis de la pression. Et c'est pas, avec un avion, c'est pas forcément décisif, parce que vous n'allez pas si haut que ça, vous allez à 10, 11 km. Par exemple, on a étudié, puis on étudie encore, il y a des Espagnols qui font ça avec beaucoup de brio, qui s'appelle Zero to Infinity, le lancement sous ballon. Alors là, vous allez à 40 km. Donc effectivement, vous sortez des couches denses de l'atmosphère et vous pouvez concevoir une fusée, et c'est le jeu, hein, pour l'ingénieur. Là, vous concevez une fusée sans aucune contrainte aérodynamique. Et c'est un degré de liberté qui est assez intéressant. Parce que vous avez des formes que vous n'avez jamais étudiées à l'école. Vous avez des formes. Zero to Infinity, ils ont abouti sur une forme de donut. Donc c'est une sorte de pyramide de donut. Et c'est assez malin. Nous, on a travaillé plutôt sur des grappes de raisin ou des tartelettes. D'accord. En tout cas, pas un crayon. Ça se mange. Il faut toujours que ça se mange. Voilà. Ça. Vous voyez que j'ai faim, c'est pour ça. Donc c'est la liberté que vous offre cette dimension-là. Après, vous êtes contraint par la masse que vous pouvez amener sous un ballon. Même les plus gros ballons du monde n'amènent que 4 tonnes à 40 km. Donc à 4 tonnes, c'est compliqué de faire une fusée. Et vous faites de toute façon, même si vous la faites, une toute petite fusée, donc dédiée au marché des tout petits satellites. Tout petit satellite, ça veut dire que vous devez faire une fusée qui doit voler pour 1 million d'euros. 1 million d'euros, je vous laisse faire les calculs. Déjà, il faut remplir le ballon d'hélium. Ça mange une bonne partie du 1 million d'euros. Ah oui. D'accord. C'est compliqué, hein. C'est un... C'est compliqué. C'est un métier. Monsieur. Justement, à propos du marché, ces fameux microsatellites, c'est potentiellement justement une grosse cause de pollution spatiale. Est-ce que c'est pris en compte déjà du côté des agences? Et d'un second point, est-ce que justement pour un déploiement depuis un lancer d'Ariane 6, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'équivalent à un étage frégate ou quelque chose d'équivalent pour, est-ce qu'on a prévu une solution technique pour ce déploiement, justement en grappe, comme vous le disiez? Alain Dupas, la pollution des lanceurs. La pollution des lanceurs, il y a deux choses. Il y a la pollution avec ce qu'on lance, c'est-à-dire qui sont des objets qui peuvent devenir des débris. Puis effectivement, aujourd'hui, on ne se pose pas vraiment la question, mais si il y a d'énormes cadences de lancement, les fusées vont commencer à rejeter pas mal de gaz dans la haute atmosphère, et ça peut avoir un effet. Au niveau actuel, c'est négligeable, mais si on a un lanceur lourd tous les jours ou plusieurs fois par jour dans le monde, c'est une question qu'on pourra commencer à se poser. Mais bon. La question de monsieur, c'était plus la question des débris, en réalité. Alors pour les débris, c'est un problème qui effectivement, c'est un problème qui se pose, mais pour lequel il n'y a pas de réglementation internationale obligatoire. Ce sur quoi travaillent les agences et les opérateurs de satellites ensemble, c'est la définition de règles de bonne conduite pour faire que quand vous mettez un étage dans l'espace, par exemple le dernier étage d'Ariane, eh bien vous avez une procédure pour l'envoyer ensuite brûler dans l'atmosphère, sans bien sûr avoir des débris qui viennent jusqu'au sol. Et si vous avez un satellite qui tombe en panne, eh bien il faudrait, suivant ces règles, qu'il puisse retomber, disons, en moins de 10 ou 15 ans. Bon. Et il y a bien sûr aussi des politiques plus... des opérateurs qui sont nettement plus, plus actives, qui consistent à dire, à la fin de vie du satellite, je le retire du service. Et s'il n'est pas en panne, eh bien, je vais l'envoyer brûler, là aussi, dans l'atmosphère. Je ne vais pas le laisser en l'air. Le problème des débris, c'est qu'il y en a, effectivement, d'ores et déjà... Ça dépend. D'ailleurs, évidemment, ça dépend de la taille. Il y a beaucoup plus de petits débris que de grands. Mais ce sont des objets qui se déplacent à 28 000 km/h s'ils sont près de la Terre. Bien sûr. Et s'ils rentrent en collision, si vous avez deux débris qui rentrent en collision ou un débris qui rentre en collision avec un satellite, ça va générer beaucoup, beaucoup de débris. Ça va faire beaucoup de petits. C'est un peu comme une réaction en chaîne. Alors, on l'a vu. C'est lorsque les Chinois ont fait, d'une manière un peu surprenante, une expérience pour montrer qu'ils étaient capables d'abattre un satellite. Ils ont abattu un de leurs propres satellites. Mais le résultat, c'est que ce satellite a donné naissance à des milliers de débris, qui a augmenté considérablement la quantité de débris. Donc, le principal risque, c'est celui d'une propagation des débris en chaîne, les débris se détruisant et se multipliant à mesure des collisions. Alors maintenant, mais Alain Dupas, alors quand on a OneWeb, on en a parlé, c'est 650 petits satellites, mais Skylink, qui est un projet de SpaceX, si je ne m'abuse, c'est quoi? C'est 12 000 satellites? C'est deux constellations, une de 4 000 et une de 8 000. Voilà, donc c'est 12 000 satellites. Oui, mais ça, si... Après, justement, il faut que les opérateurs gèrent très bien leurs satellites, en particulier dans les zones où ils vont passer les uns près des autres, c'est-à-dire pour des orbites polaires près des pôles. Il faut évidemment qu'il y ait une gestion du trafic des satellites dans l'espace. Est-ce qu'ils y sont prêts? Parce qu'aujourd'hui, c'est un gentleman's agreement. Il y a des guides de bonnes pratiques. Soit vous les suivez, soit vous ne les suivez pas. Si vous ne les suivez pas, vous n'êtes pas... Franchement, ils y sont prêts. D'accord, ils sont prêts. Parfait. Ils sont responsables. OneWeb... D'accord, d'accord. OneWeb fait, vraiment a pris une politique qui est très claire de ce point de vue-là, même SpaceX aussi avec sa constellation. Cela étant, j'aurais tendance à penser qu'une bonne solution pour les constellations, c'est de les mettre suffisamment bas, les satellites, de manière à ce que de toute façon, ils retombent spontanément vite si jamais ils tombent en panne. Et la deuxième constellation de SpaceX, elle est à 300 km d'altitude. Et à 300 km d'altitude, vous ne restez pas longtemps. Vous ne restez pas longtemps. Sur orbite. Et en plus, c'est une zone où il y a très peu de satellites, donc vous n'avez pas généré de débris. Mais c'est un problème très sérieux auquel, d'ailleurs, le CNES s'intéresse depuis longtemps. Je reviens un petit mot avant qu'on prenne d'autres questions. Voilà, un petit complément et puis la fin de la question. Donc, c'est, comme tu disais, c'est un problème très sérieux et je dois dire que Alain faisait mention du fait qu'il n'y a pas de réglementation contraignante internationale. La France est particulièrement exemplaire en la matière. Donc, on s'auto-contraint sur nos étages de fusée, sur nos opérations de satellites pour respecter un futur règlement qui n'est pas encore contraignant. Donc on essaye de montrer par l'exemple le chemin à d'autres pays qui sont moins exemplaires, la Russie en particulier, mais également il y a quelques lancements de SpaceX qui n'ont pas été tout à fait formidables de ce point de vue-là. Ensuite, vous demandiez comment... est-ce qu'il y a un étage de type frégate sur Ariane 6 Non, en fait, c'est... Alors, le frégate, c'est un étage de Proton, c'est ça? Voilà, c'est un étage à tout faire. C'est le troisième étage de... De Soyouz, et puis il est utilisé sur d'autres lanceurs. C'est une sorte de mobilette de l'espace qui est capable de tout faire, de s'allumer 12 fois, d'aller un peu partout. Donc c'est très pratique. Il est réallumable. Il est réallumable plein de fois, 20 fois, je crois. Ce qui n'est pas le cas de tous les moteurs de lanceurs. Et donc ça permet une grande flexibilité, une fois que vous êtes en orbite, pour livrer des satellites ici ou là, changer d'orbite, etc. Donc Ariane 6, il n'y a pas d'étage de type frégate, parce que, tout simplement... Les équipements qui sont nécessaires pour avoir cette flexibilité, ils sont déjà intégrés au dernier étage d'Ariane 6. Donc il y a une sorte de moteur auxiliaire, donc je ne peux pas dévoiler le nom parce que je ne suis même pas sûr que ce soit public, qui est prévu sur l'étage d'Ariane 6 pour permettre ça, et qui est très utile typiquement sur le déploiement de méga constellations comme OneWeb. Donc Ariane 6, dernier étage, réallumable, flexible. C'est ça, et avec un petit moteur auxiliaire même. Avec un petit donc il y a un moteur et un autre moteur. Voilà. Ah d'accord, parfait, parfait. Bonjour, je suis derrière du coup. Bonjour, ma question portait justement sur ce que vous avez dit tout à l'heure. On connaît à peu près tous les moteurs, on sait comment lancer. Il faut lancer à 9 km par seconde pour sortir de l'atmosphère. Et à ce niveau-là justement, comme pour lancer des petits satellites, il faut toujours une fusée de 20 mètres. Quelles évolutions on peut attendre du côté des moteurs? On parle beaucoup de moteurs depuis 15-20 ans, des nouvelles générations. Qui peuvent être plus petits, plus puissantes. Et donc, du coup, en gardant la même puissance, d'imaginer quelque chose de plus petit pour monter dans l'espace. Et donc, du coup, je voulais savoir de votre côté, justement, je pense aux moteurs magnétoplasmiques ou ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut attendre ou est-ce que c'est toujours quelque chose en pure recherche et des chimères? Juste avant que vous répondiez, je voulais vous prévenir que, voilà, vous avez compris que ce soir, on va parler des lanceurs des systèmes de transport spatial jusque dans les années 2020. Peut-être qu'on va aller monter jusqu'à 2025, peut-être même jusqu'à 2030. Mais dans un mois, on va voir le deuxième chapitre de la soirée de ce soir, parce qu'on va parler de tout ce qui va se passer en 2030, 2050. Les concepts vraiment très futuristes, les moteurs nucléaires, etc., peut-être. Mais voilà, je vous laisse répondre. Il ne faut pas que je dévoile alors. Ah bon, vous faites ce que vous voulez ou non, mais ça peut être un début de réponse. Je vais d'abord commencer par une vérité simple, c'est qu'une fusée, c'est d'abord un moteur. C'est vraiment l'équipement autour duquel on conçoit une fusée. Et c'est vrai que depuis les années 50, il n'y a pas eu l'invention de la propulsion chimique ou la maîtrise de la propulsion chimique. Donc... une réaction d'oxydoréduction maîtrisée. Il n'y a pas eu vraiment de percée. Et puis même si on voit que l'espace évolue, on reste toujours sur la propulsion chimique. Hein. Donc même SpaceX, avec ses exploits, reste sur des moteurs assez simples, des moteurs oxygène-kérosène. Donc on travaille effectivement, parce qu'on sait que c'est une clé pour l'avenir, sur des concepts en rupture sur la propulsion. Il y a plusieurs types de ruptures. On va d'abord travailler sur toujours des moteurs chimiques, et on va faire une rupture sur les coûts. Donc ça, c'est la chose assez simple à court terme qu'on a lancée. Il y a un moteur qui s'appelle Prometheus. Alors, il est en page 4, si vous voulez regarder en page 4 du petit livret qui se trouve sur votre table. À gauche, voilà. C'est le moteur Prometheus. Il est beau, il brille. Magnifique. C'est un moteur qui est équivalent au moteur Vulcain qui équipe actuellement Ariane 5 et qui équipe Ariane 6 et qui n'est pas plus performant. En revanche, il est 10 fois moins cher. Et c'est ça le défi qu'on s'est lancé avec Ariane Group et sur lequel on est très avancé puisque le moteur doit être au banc en 2020. Donc on fait un moteur... On va le tester en 2020. Donc c'est un moteur de la classe du moteur Vulcain, mais 10 fois moins cher. Donc vous pouvez imaginer que c'est une brique intéressante pour concevoir des évolutions d'Ariane 6, voire des choses complètement différentes, voire un micro-lanceur si ça nous prend. Donc c'est une premier type d'évolution, tout en restant sur la chimie classique, sur les coûts. Et là, on y arrive. Bon, si vous voulez, je vous expliquerai comment. Alors, classique, pas tout à fait, parce que là, ce n'est pas kérosène plus oxygène. Ce n'est pas comme le Merlin de Falcon. Ce n'est pas non plus hydrogène plus oxygène comme le Vulcain. Mais là, c'est du méthane plus oxygène. Et ça ne se fait pas. Il n'y a pas de moteur aujourd'hui méthane-oxygène. Alors, il n'y en a pas d'opérationnel, ouais. C'est vrai. Par contre, on n'est pas les seuls à avoir considéré que ce couple-là était intéressant, puisque SpaceX développe un moteur oxygène-méthane aussi qui s'appelle le Raptor pour son prochain grand projet. Les Russes développent un moteur oxygène-méthane dont ils ne savent pas encore très bien ce qu'ils vont faire, mais ils savent que c'est un bon coup. Les Japonais aussi, et les Indiens, ça les chatouille. C'est un couple qui est intéressant. Blue Origin aussi. Aux États-Unis. Alors eux qui sont partis, ils sont sans doute les plus avancés d'ailleurs. Donc c'est un couple qui est intéressant parce que c'est un compromis qui est assez malin entre la performance et la simplicité. La performance parce que vous perdez évidemment par rapport à l'oxygène-hydrogène qui est le couple parfait du point de vue de l'oxydoréduction. Donc vous perdez une capacité en performance. En revanche, vous êtes meilleur que le kérosène et vous êtes relativement simple à manipuler, un peu comme l'oxygène liquide qui est un produit assez courant dans les hôpitaux, etc. C'est la même température de liquéfaction que l'oxygène. Donc oxygène et méthane, c'est un couple dont la maîtrise, la manipulation est assez simple. Et donc cette simplicité, on la retrouve dans les équipements, les vannes, etc. C'est une grosse molécule aussi, le méthane, donc qui fuit beaucoup moins que l'hydrogène ou que l'hélium. Vous retrouvez ça directement dans le coût du moteur. Donc une partie du facteur 10 qu'on gagne sur le moteur, c'est lié à l'utilisation du méthane plutôt que de l'hydrogène. Prometheus, c'est quand le banc d'essai? Donc 2020. 2020, ok. 2020. Et après, des concepts plus futuristes, oui, on travaille beaucoup ça, donc ce sera l'objet de l'autre soirée. Vous avez cité quelques concepts, on parlera peut-être propulsion antimatière aussi, des choses comme ça. Propulsion antimatière, ouais, ça c'est un bon sujet pour le mois prochain. Théoriquement, je pense qu'il n'y a pas plus efficace. Après, il faut pour le mettre en œuvre. Ensuite, il faut le mettre en œuvre, d'accord. Voilà. Et il y a des moteurs aérobie aussi, comme le sabre de la société anglaise Reaction Engine, un moteur propulsion fusée, qui fonctionne à la fois dans l'atmosphère et dans l'espace. Donc, c'est des concepts qui sont assez intéressants, difficiles à valoriser sur une architecture de fusée. Mais on est très actif là-dessus, y compris dans l'invention de nouvelles molécules qui pourraient révolutionner la chimie, la propulsion chimique classique. Alain Dupin. Oui, Jean-Joseph. Vous avez parlé aussi de propulsion électrique. Alors, une chose qui est sûre. La propulsion électrique, c'est très simple. On accélère des particules ou des molécules à très grande vitesse grâce à un champ électrique. On les éjecte à grande vitesse. C'est ce qui caractérise, ce qui permet la performance d'un moteur fusée, c'est la vitesse d'éjection. Donc elle peut être très, très élevée. Le seul problème, c'est que ça fournit des poussées très faibles et que vous ne décollerez jamais d'une surface comme d'un astre comme la Terre avec de la propulsion électrique. En revanche, une des choses qui a changé au cours des 10 dernières années, c'est l'introduction de la propulsion électrique sur les gros satellites de télécommunication. On n'a pas besoin de les emmener à destination complètement avec Ariane 5 ou bientôt Ariane 6. On les met soit sur une orbite basse, soit sur une orbite intermédiaire. Et ensuite, ils ont de grandes puissances électriques à bord pour alimenter leurs antennes et leurs émetteurs, eh bien, cette puissance électrique peut servir à faire fonctionner un propulseur électrique. Ça prend du temps. Mais c'est beaucoup plus efficace que la propulsion chimique. Donc là, vous avez en quelque sorte un compromis. Si vous n'êtes pas pressé, si vous acceptez de mettre 3 mois ou 6 mois pour atteindre votre orbite finale, la propulsion électrique est extrêmement avantageuse. Donc vous commencez à avoir vraiment de gros satellites avec d'énormes panneaux solaires et des propulseurs électriques de grande puissance électrique. Ça ne suffirait pas à décoller, mais dans l'espace, c'est utile. Et tous les projets ensuite qui se situent dans l'arrêt d'exploration ou d'activité dans la zone cislunaire, c'est-à-dire dans la zone de la Terre et de la Lune, ou pour aller sur Mars, utilisent, font appel à des propulseurs électriques qui peuvent être extrêmement puissants. Donc la propulsion électrique, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé, mais ça se développe, c'est pour le transport, non pas depuis la Terre jusqu'à l'espace, mais c'est pour le transport dans l'espace même. Et ça, c'est aussi un autre aspect qu'il faut bien voir. Le transport spatial est en train de se transformer non seulement avec ce dont on a parlé, les nouveaux lanceurs moins chers, à forte cadence, etc., mais aussi parce que, eh bien, il va y avoir des besoins de transport à l'intérieur, plutôt dans l'espace même, entre différentes orbites, avec ce qu'on appelle des remorqueurs spatiaux réutilisables. Et vous allez avoir aussi une diversification des transports. Si vous transportez des passagers, vous allez vouloir, et eux vont vouloir aller vite. En revanche, si vous transportez du cargo, un voyage de plusieurs mois, si c'est économiquement plus rentable, et ça sera vraiment très intéressant. Donc vous avez, ceci est aussi quelque chose qui est en train de se développer, avec d'ailleurs de la réutilisation, parce que vous pouvez imaginer très bien des schémas dans lesquels il y a des navettes qui, non pas comme la navette de la NASA des années 80-90, des navettes qui vont, par exemple, entre la surface de la Lune et l'orbite basse terrestre, qui se ravitaillent éventuellement en propergol sur la Lune et qui se déplacent. Donc vous avez tout un nouveau champ d'activité pour le transport spatial qui serait des véhicules réutilisables qui se déplaceraient à l'intérieur de la région cislunaire et qui ensuite feraient la même chose dans le système solaire si vous vous placez à très long terme. Moi je suis plus sucré, j'avoue que je suis un gourmand homme. Je vous conseille de goûter d'ici la délicieuse tarte tatin. Pour m'envoyer dans l'espace, je préfère les ballons à l'hélium. Pour déguster donuts, tartelettes et grappes de raisin. Ah, j'ai vu qu'il y avait des questions de ce côté-là en particulier. Si vous voulez bien, avant de les prendre, on va peut-être feuilleter notre petit livret. Donc voilà, première page du petit livret, c'est évidemment Ariane 6. Hein, c'est un peu la vedette de la soirée. Là, on la voit dans sa version avec deux boosters, évidemment. Un petit commentaire sur cette image? Non, il n'y a rien de particulier à noter. Jérôme Villa? Oh, je la regarde comme vous. Qu'est-ce que je peux commenter? Moi, je le connais bien, le produit. Donc c'est bah oui, c'est ça, c'est ça. On a les pylônes contre la foudre, on a les carnaux, on a tout ce qu'il faut. Dire, quoi, hein. Si vous connaissez un peu l'imagerie d'Ariane 5, vous reconnaissez. Ça ressemble, c'est ça. C'est vrai, ça ressemble. Ça n'a pas encore la forme d'un donut ou d'une grappe de raisin. Page 2, on a Vega et Ariane 6 dont on a beaucoup parlé. Là, évidemment, c'est l'Ariane 6 dans sa version avec 4 boosters. Et page 3, on voit justement... là, on a toute la famille Ariane, là, pour le coup. Et donc, on a l'impression quand même d'une Ariane 6 qui est quand même beaucoup plus massive qu'une Ariane 5. Ou est-ce que ce n'est qu'une vue de l'esprit? Non, c'est vrai qu'on avait deux gros boosters sur Ariane 5 qu'on n'a pas sur Ariane 6. Bah, je peux vous expliquer un petit peu, parce que c'est facile à comprendre aussi. C'est à peu près le même étagement, c'est-à-dire la même répartition d'énergie entre les différents étages entre Ariane 5 et Ariane 6. Mais vous voyez que les deux gros boosters à poudre, à propulsion solide, pardon, d'Ariane 5 ont été découpés en petits boosters de taille moitié, tout simplement. Alors pourquoi? C'est pas forcément l'optimum technique. En revanche, vous avez une unité de production qui va produire deux fois plus de propulseurs solides. Et ça, économiquement, c'est infiniment plus efficace que des gros propulseurs. Donc il vaut mieux avoir, produire 4 petits boosters que 2 gros boosters d'Ariane 5. C'est ça, vous êtes dans la production de série et c'est un modèle économique qui est incroyablement plus efficace. Modèle économique beaucoup plus efficace. Oui, et tu pourrais ajouter, Jérôme, que les mêmes technologies vont servir pour Vega. Oui, c'est vrai, parce qu'on a vu Vega sur l'autre. C'est pas le même Vega, c'est pas celui qui vole aujourd'hui. C'est la nouvelle version, parce que s'il y a une nouvelle Ariane, il y aura aussi un nouveau Vega. Et avec, comme Jérôme l'a rappelé tout à l'heure, une convergence entre les deux au niveau des technologies qui fait que finalement, un seul type de moteur, un seul type de propulseur solide servira à toute la gamme des lanceurs européens à partir de 2020. Donc on raisonne de façon modulaire, hein. On a ce petit booster à poudre et qui va servir à la fois sur Ariane 6 et comme premier étage de Vega. Exactement. D'accord, on peut voir évidemment Vega le premier. C. De Vega C, ou la future Vega, absolument. Alors on a le programme Callisto, page 4. De quoi est-ce qu'il s'agit, Jérôme Villa, ce programme Callisto, page 4? Alors Callisto, c'est l'image que vous avez sur la droite de la page 4. C'est, j'ai évoqué un petit peu dans mon mot d'introduction, les Américains ont beaucoup capitalisé sur des programmes expérimentaux qui ont été développés dans les années 90 sur la réutilisation des étages de fusée, en particulier des premiers étages. Donc ils sont riches de cette approche expérimentale et c'est là-dessus qu'ils construisent leur succès. Nous n'avons pas en Europe bénéficié de ce type de programme-là. On a fait beaucoup d'études sur la réutilisation, mais on n'a jamais franchi le pas d'aller vers l'expérimental et comme ça, par apprentissage, par itération successive, de nous frotter un petit peu à la réalité, aux difficultés, pour pouvoir ajuster nos propres modèles et puis aussi notre connaissance économique de comment maîtriser ça. Donc c'est tout l'objet du programme Callisto. Donc vous voyez, ça, c'est quelque chose qui doit vous rappeler un autre véhicule. Il y a des pieds qui sont repliés. Il y a des Alors les pieds sont repliés là. Donc, les pieds sont repliés. Il faut les imaginer là, ils sont à la base. Hein, voilà. Juste au-dessus de la tuyère, ils sont repliés vers le haut si je puis dire. Hein. Exactement. Il y a des surfaces aérodynamiques en haut qui sont des surfaces verticales, donc plutôt comme Blue Origin. Comme les petites ailettes, c'est ça que vous avez, c'est ça que vous appelez les surfaces, ouais. Ouais, ouais. Et donc c'est un véhicule d'apprentissage pour nous, donc c'est pas une fusée au sens où elle va pas aller en orbite, mais c'est un véhicule qui va monter à 50 km de haut, qui va voler à Mach 2, Mach 3, et qui va nous permettre par des vols d'essai de faire nos gammes en quelque sorte, hein, donc de faire nos gammes en vue de la réutilisation. En vue de la réutilisation. Ah voilà, c'est ça. Donc lui, c'est un véhicule expérimental, il monte à 50 km d'altitude, et l'idée c'est d'essayer de le réutiliser. Hein. C'est ça. Voilà. Et donc il a des pieds, évidemment, c'est comme les pieds du premier ouais. étage de la Falcon 9. Ok. Alors on va passer du côté de Falcon justement avec la page 5. Et donc voilà, la Falcon 9, elle a eu beaucoup de versions. Et donc là on arrive à une nouvelle version qui est la version Block 5, je crois, qui est une version qui va être un peu stabilisée. On arrête de faire évoluer la Falcon 9 en permanence. Là on va garder cette version-là pendant quelques années. Oui, je pense qu'ils auront un petit peu de mal parce que ce n'est pas l'esprit de la maison, mais ils vont y être obligés pour une bonne et simple raison, c'est que à côté du transport de charges automatiques dont on a parlé essentiellement jusqu'à présent ce soir, SpaceX a été choisi avec une autre société assez connue qui est Boeing pour développer un véhicule de transport d'astronautes pour desservir la Station Spatiale Internationale. Vous savez, aujourd'hui, quand nous envoyons des astronautes sur la Station Spatiale Internationale, par exemple Thomas Pesquet, eh bien, on part dans des Soyouz, puisqu'il n'y a pas aux États-Unis, aujourd'hui, de moyens de transport d'astronautes depuis que la navette a été mise à la retraite au début de la décennie. Donc la NASA exige que le lanceur de ce vaisseau qui s'appellera Dragon 2, qui emportera 4 à 7 astronautes vers la Station Spatiale Internationale ou vers d'autres destinations, vers d'autres stations privées, par exemple des stations privées, eh bien, elle exige qu'au moins, avant le premier vol d'astronautes privés, en quelque sorte, eh bien, il existe que la fusée est volée 7 fois exactement dans la même configuration. Hein, c'est de manière à être sûr que cette configuration est stable et stable, robuste, qu'on ait toutes les données voulues. Donc, eh bien, il faut bien arriver. D'autre part, jusqu'à présent, chez SpaceX, la réutilisation a été maîtrisée de manière expérimentale. Et là, il s'agit de passer à un stade plus opérationnel et donc de faire les petites modifications sur le lanceur qui vont faire que le train d'atterrissage eh bien, est vraiment réutilisable alors qu'aujourd'hui, il faut le changer. Que les surfaces aérodynamiques qui ressemblent un peu à des moules à gaufres, ce qu'on appelle des grilles fines, eh bien, puissent aussi être réutilisées alors que quand les premiers modèles en aluminium soumis à des échauffements aérodynamiques au retour, ils pouvaient s'enflammer. Là, c'est du titane, par exemple. Et puis d'autres choses, c'est-à-dire qu'ils vont faire, ils vont améliorer vraiment ce Falcon de manière, avec cette version dite Block 5, de manière à ce que la réutilisation soit simple et que pendant 10 fois de suite, on puisse pratiquement utiliser exactement le même lanceur. Il rentre, on le réinstalle sur le pas de tir, on remplit les réservoirs et on repart. Donc ça, c'est ce que SpaceX espère faire avec le Block 5. Et effectivement, compte tenu des expériences qu'ils ont, pratiquement à chaque fois qu'ils lancent un lanceur, ils le ramènent et ça marche. Simplement, là, il faut que ça devienne vraiment opérationnel. Donc, il y a ces deux demandes d'amélioration du lanceur. C'est un, qui soit plus réutilisable, ça, c'est l'intérêt de SpaceX. Deux, qu'il ne bouge plus, ça, c'est la volonté de la NASA. Et c'est quelque chose qui va intervenir relativement vite. Hein. Les premiers vols privés d'astronautes, d'abord au service de la NASA pour rejoindre la station, et puis éventuellement pour rejoindre d'autres stations qui serait privé, c'est quelque chose qui va intervenir au début de 2019. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas dans quelques mois, là. Et puis, il y a donc cette capsule de SpaceX, il y a la capsule équivalente de Boeing. Alain Dupas, je vous écoutais et je me disais, mais c'est étonnant à quel point il connaît bien et intimement ce lanceur, ce système, tout ce qui se passe. J'ai l'impression que vous avez des yeux là-bas, vous avez conseillé plusieurs présidents du CNES. Comment est-ce qu'on fait pour bien connaître à ce point-là Falcon ? Vous y allez, vous les connaissez, vous lisez beaucoup, vous avez des informations. Comment ça se passe ? Oh, vous savez, moi, j'ai rencontré Elon Musk en 2004, 2 ans après la création de sa boîte. J'étais le premier visiteur européen dans sa petite usine de l'époque. Et puis, j'y suis retourné un certain nombre de fois depuis. Mais sincèrement, vous trouvez beau. Il faut beaucoup lire. Et puis, je dirais rencontrer pas mal de gens qui les connaissent ou qui ont des éclairages intéressants. Aux États-Unis, non. C'est pas du tout difficile, mais ça prend du temps. Il faut lire beaucoup. Et puis, je pense que malgré tout, cette fusée, le Falcon, est une fusée que je ne connais quand même pas, si je puis dire, intimement. Ah, vous voudriez la connaître un peu mieux. On voit ce qu'ils font. Voilà. C'est ça. Vous auriez envie d'aller un peu plus loin, j'ai bien compris. On a la Falcon Heavy, également page 6. On va peut-être pas y rester longtemps. Elle vient de faire son premier lancement, qui a pas complètement réussi d'ailleurs. C'est-à-dire que la trajectoire n'était pas exactement la bonne, hein, je me trompe pas. Si. Donc, cette histoire, j'ai cru comprendre. Je me trompe alors. Ça a remarquablement bien marché. Là aussi, je dirais à la surprise générale, parce que le Falcon 9, s'il s'appelle 9, c'est parce qu'il y a 9 moteurs à la base. Le Falcon Heavy, c'est en gros 3 Falcon 9 à coller les uns aux autres pour simplifier. On les voit là, donc les 27 corps, hein. Moteurs. Et ce qui est remarquable, c'est donc une initiative privée, entièrement financée par les moyens de SpaceX, et qui est aujourd'hui la plus puissante fusée au monde. Ouais. Elle est plus puissante que les plus puissantes fusées chinoises ou russes, ou même que les plus puissantes fusées américaines. D'autres opérateurs que SpaceX. Et ça a remarquablement marché. Et avec, d'ailleurs, avec un aspect communication absolument formidable, puisque la charge utile était utile, entre guillemets, était un roadster Tesla. Donc une voiture Tesla. Mais roadster, c'est. Oui, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un roadster, signaler. C'est un cabriolet. C'est un cabriolet, voilà. Et avec sur le siège du conducteur, un mannequin avec un scaphandre qui est celui que SpaceX développe pour ses prochains vols habités. Et vous avez pu voir des images absolument extraordinaires sur la musique de David Bowie, qui était vraiment une opération... Belle opération. Ils savent communiquer aussi. Absolument. C'est communiquer. Oui, et puis, c'est, là, si vous voulez, il y a une chose, en Europe, ce que l'on a, c'est on a une remarque. Particulièrement en France, on a de remarquables ingénieurs, on a d'excellentes entreprises. Notre industrie aérospatiale est incontestablement l'une des meilleures au monde, en particulier grâce aux hommes et aux femmes qui y travaillent. Mais il y a une chose qui nous manque dans notre programme spatial, c'est la dimension du rêve. Et la dimension du rêve, c'est quelque chose que vous avez, je dirais, tout naturellement aux États-Unis. Non seulement les États-Unis ont été sur la Lune, ce qui est quand même très marquant sur le plan culturel, mais aussi, eh bien, un entrepreneur comme Elon Musk, il n'était pas simplement motivé par l'idée de vendre des fusées. Ce qu'il veut, c'est construire des fusées, construire toute une industrie autour de ces fusées et envoyer des centaines, des milliers et même, disons d'ici la fin du siècle, 1 million de personnes vivre sur Mars pour créer, je dirais, une base de secours en quelque sorte pour l'humanité en cas de catastrophe globale. C'est ce qu'il veut faire. Oui, bien sûr. Oui. Et son prochain lanceur, dont on ne parlera pas ici parce que c'est pas... Si, il arrive. Vous allez voir, Le BFR, il arrive. Ça veut dire Big... Ça veut dire Big Falcon Rocket. C'était un nom de code chez SpaceX qui était un peu plus... Je dirais olé olé, mais c'est... Big fucking rocket. Fucking rocket. Exactement. Et comme c'est en anglais, voilà, c'est pas trop grave. Et donc, cette fusée, elle est destinée à emmener des hommes, et du cargo aussi, mais d'abord des hommes, dans l'espace lointain, sur Mars. C'est le grand objectif de Musk lui-même. Et éventuellement sur la Lune, puisque les Américains, en ce moment... le gouvernement américain s'intéresse particulièrement à la Lune. Mais donc, il y a une dimension de rêve chez SpaceX. Il y a quelque chose d'autre, un ingrédient supplémentaire qu'on n'a pas chez nous, c'est quand même ces milliardaires qui ont à leur disposition énormément d'argent, soit de sociétés qui sont les leurs, soit d'argent qui provient de leur propre fortune, comme Jeff Bezos, hein, qui est riche personnellement à milliards, ce qui n'est pas le cas de Elon Musk, je crois. Ça nous manque. Non, mais là, je crois qu'il faut... On fait un contresens si on dit que ce sont des milliardaires qui, en quelque sorte, investissent l'argent qu'ils ont gagné ou qu'ils possèdent autrement pour aller dans l'espace. Si vous regardez aussi bien, d'ailleurs, Elon Musk que Jeff Bezos, l'espace est une passion qui a précédé leur devenir en tant que milliardaire. La société Blue Origin de Jeff Bezos, il l'a créée avant d'ailleurs SpaceX, vers 2000, alors que Amazon n'était pas du tout la plus grande, n'était pas plutôt l'une des grandes, plus grandes sociétés du monde aujourd'hui. Et d'ailleurs, Bezos le dit, le raconte tout le temps. Lui, sa passion pour l'espace, il l'avait quand il était à l'école, quand il était à l'université. Son mémoire de fin d'études scolaire était un mémoire sur la colonisation de l'espace. À Princeton, il a travaillé avec Jerry O'Neill, qui est le père du concept de colonie spatiale. Et c'est ça qu'il veut faire. Et quand il a démarré tout ça, il n'était pas riche du tout. Bezos, quand il a démarré Amazon, ça devait être vers 1997, il avait quelques milliers de dollars empruntés à sa famille, à des amis. Et aujourd'hui, bien sûr, il pèse 110 milliards de dollars dans les classements Forbes. Et il investit 1 milliard de dollars par an dans la société Blue Origin. Mais il s'est pas intéressé à l'espace qu'il était milliardaire. Bien sûr. Il s'est toujours intéressé à l'espace. D'accord. Et d'ailleurs, je l'ai vu moi-même dans des présentations dans lesquelles il explique, vous savez, pour moi, Amazon, c'est le moyen de gagner de l'argent pour pouvoir contribuer à la colonisation de l'espace. Et c'est vraiment sa passion personnelle, profonde. Et Musk aussi. D'accord, et donc, c'est une passion de gens Et qui bénéficie du fait qu'aux États-Unis, il y a un système économique qui favorise quand même le développement dans le monde du numérique de fortune gigantesque. Ouais. Quant à Musk, aujourd'hui, il est quand même compté au niveau d'une vingtaine de milliards de dollars. Donc, ça commence à compter. Ce qui prouve que, vous savez, il y a un moment, la plaisanterie, c'était comment peut-on devenir un millionnaire avec les activités spatiales. La réponse, c'était il faut commencer par être un milliardaire. Ah, c'est ça. Et en fait, lui, il a démontré en investissant 100 millions de dollars au départ dans SpaceX. Parce que des milliardaires qui sont arrivés en disant « je vais tout changer dans le monde du spatial », on en a connu dans les années 80, les années 90. Et là, c'est vraiment des gens qui, c'est très, très spécial. Alors, Jérôme Villa, un petit mot avant qu'on continue à feuilleter notre petit livret. Juste pour abonder ce que disait Alain, c'est cet aspect des individualités qui arrivent avec leur propre motivation personnelle, comme l'expliquait Alain. Donc, il ne faut pas imaginer qu'ils sont là pour faire de l'argent. Ils en ont plus qu'assez, je dirais, en tant qu'individu. Donc, ils sont là vraiment pour assouvir une ambition de changer la face de l'humanité, etc. Donc, il faut bien lire leurs actions à l'aune de cette vision-là. C'est quand même effectivement quelque chose qui change la donne. Parce que tu disais, Jeff Bezos, il a décidé de vendre chaque année quelques dixièmes ou quelques centièmes de pourcent d'Amazon pour financer son aventure spatiale. Donc, quelques centièmes de pourcent d'Amazon, ça fait $1 milliard à chaque fois. L'année dernière, même, il a fait deux fois. Donc, en mars et en septembre, ça fait $2 milliards pour Blue Origin, c'est une entreprise spatiale. $2 milliards, c'est plus que ce que tous les États européens peuvent consacrer à Ariane et Vega. Donc, vous voyez, un individu avec sa fortune personnelle et son argent de poche, en quelque sorte, devient plus puissant financièrement que tous les États réunis européens. Donc, ça, c'est quelque chose qui donne un peu le vertige et qui change réellement la perspective. Ouais. Et figurez-vous que moi aussi. Quoi, tu es milliardaire ? Je vais bientôt y aller. Où ça ? Bah, dans l'espace. Ah oui ? Mais oui, parce que je suis sur la bonne voie enfin pour aller dans l'espace et hop, je fais mes gammes tous les matins et me déplace qu'en autostop. Ah oui, ça marche, ça, c'est vrai, ça marche, ça marche. Il paraît que ça marche. Il paraît que ça marche. Alors, ensuite, page suivante sur la réutilisation. On voit très bien à droite l'image de l'atterrissage d'un premier étage de Falcon sur une barge avec son joli quadripode, n'est-ce pas ? Ensuite, on va tourner parce qu'on a déjà pas mal parlé de réutilisation. On peut aller à la page suivante, donc ça doit être la page 8. Donc la page 8 avec... on voit les tailles de lanceurs, là, depuis Antares à gauche, Soyouz, Ariane 5, Atlas 5, Vulcan, la petite Falcon 1, la Falcon 9, Falcon Heavy, Delta 4 Heavy... Et puis, on a les lanceurs futurs de Jeff Bezos. Ils n'ont pas encore décollé. Le New Glenn avec deux étages, New Glenn avec trois étages. Et puis, on a la BFR, le Big Falcon Rocket, aussi appelé le Big Fucking Rocket, de SpaceX. C'est un projet lointain. Et puis, la Saturn V, là, pour le coup. La Saturn V, ça reste quand même le plus gros lanceur jamais lancé depuis la Terre. C'est évidemment le lanceur qui a envoyé des hommes vers la Lune. Un petit commentaire peut-être sur ce joli dégradé. Tenez, vous avez un micro ici. Oui, je ne dirais pas que le BFR est un projet lointain. Parce qu'aujourd'hui, le plan de développement... Mais alors Elon Musk est caractérisé par... Un plan de développement pour lui, c'est destiné largement à motiver son personnel et ses troupes. Et je disais toujours, quand vous allez chez SpaceX, vous avez l'impression d'être dans une ruche plein de jeunes gens absolument passionnés qui courent dans tous les sens. Et tous ces jeunes, il s'agit de les motiver. Ils sont pressurés. Ils sont pressurés, mais ils sont motivés. Ils sont motivés. Alors, simplement, le plan actuel, c'est on termine donc le Falcon 9, on fait le Block 5 et on développe le système pour emmener des astronautes. Mais après, on construit cette énorme fusée, le BFR, dont le deuxième étage, en fait, c'est un vaisseau spatial capable de revenir. Donc c'est un système complètement réutilisable. Et quand je dis que ce n'est pas un projet lointain, c'est que l'idée actuelle, c'est que l'année prochaine, donc 2019, la partie haute du BFR, qui est donc un gros avion spatial, fasse des premiers vols, des vols d'essai, Ouais, il décollera, montera pas très haut, reviendra se poser, etc. Mais c'est pour 2019, donc c'est pas si loin. Et en fait, dans le plan de développement du BFR, auquel je crois pas particulièrement, je pense qu'il prendra quelques années de retard, eh bien, c'est que dès 2022, on lance des charges très lourdes vers Mars avec ce lanceur 2022. Alors, ça sera peut-être 2024, ça sera peut-être 2026, mais ce n'est pas un projet lointain. Ça devient le projet majeur de cette société. Page 9, le lanceur Big Falcon Rocket. Alors, sur cette image, on voit le lanceur, ce BFR. À gauche, on en voit 4 sur des pas de tir, et puis à droite on imagine une petite, on a l'impression d'être un peu dans un jeu vidéo, c'est très mignon. On imagine qu'on est sur Mars là, bien sûr, avec cette terre rouge. Un petit commentaire, Jean-Villa, sur un projet comme celui-là? Alors oui, c'est ce qui a été présenté par Elon Musk au congrès astronautique mondial à l'automne 2017 en Australie. J'y étais, c'était toujours impressionnant de voir des milliers de personnes tout d'un coup s'intéresser au spatial. C'est l'attractivité du showman Elon Musk. Malheureusement, il y en avait moins dans les amphis avant, mais c'est dommage. Et donc, ça illustre un petit peu la vision qu'il y a derrière l'ambition de SpaceX, donc aller vers Mars avec cette fameuse futée BFR, créer l'amorce d'une civilisation sur Mars. Donc ça, c'est vraiment la vision d'Elon Musk qui irrigue tous ces projets spatiaux. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a quelques années, vous m'auriez tenu un discours comme ça et on aurait entendu une sorte de ricanement dans votre voix. Mais là, Alain Dupas et vous-même... Vous en rigolez pas du tout? Non. D'accord, parce que c'est Elon Musk et que d'un seul coup, ça devient crédible. Alors, j'ai pas dit que c'était crédible. Ah bon. Je n'en ris pas parce que c'est. Alors d'abord, parce que c'est pas votre caractère. Il y a cette dimension rêve que mentionnait Alain, qui est quand même assez plaisante. Je dirais, ça amène aussi une génération d'ingénieurs, de passionnés vers le spatial, même si la crédibilité peut être mise en doute. Ah, quand même. Ça crée une dynamique qui est tout à fait formidable. Et on peut qu'être touché et puis être enthousiasmé par cette génération de gens qui arrivent portés par ce rêve-là. Après, le rêve en question, il faut bien avouer, bon, moi j'étais à l'IAC, hein, avec les 4000 là. Avant, il s'était passé quand même toute une semaine où le gratin de l'espace mondial présentait des projets différents, donc moins showman. Il y a quand même un petit peu malaise, un petit malaise à voir Musk arriver sur scène, présenter un jeu de planche qui était graphiquement très belle, sans argumentation, sans publication, alors que le jeu de l'IAC, c'est quand même d'opposer une publication au jugement de ses pairs. Et alors que le matin même, je me souviens très bien, il y avait une présentation de Lockheed Martin sur la colonisation de Mars aussi, mais qui était une démonstration à l'inverse. C'était argumenté, posé, c'était bien fait aussi en termes de communication, mais il n'y a pas l'attractivité d'Elon Musk. Donc il y a un petit peu malaise à voir toute la lumière portée par Musk, qui est venu une demi-heure et qui est parti sans prendre de questions, alors que l'équipe de Lockheed, qui avait fait un travail extraordinaire, méritait un petit peu aussi d'attention et ne l'a pas eu finalement. Il n'y avait personne dans l'amphi pour écouter Lockheed. Personne, ah d'accord. Bon, personne, j'exagère, mais enfin rien par rapport aux milliers de personnes qui étaient au moment du passage de Musk. Allons directement à la page 11. On a la longue marche, hein, page 10, et on pourra y revenir éventuellement parce qu'il se passe des choses très intéressantes aussi en Chine. Donc voilà, la méga constellation OneWeb d'Airbus Group, donc 650 tout petits satellites. Je vous en ai mis un là en haut à droite pour que vous voyez à quoi ressemblent ces satellites. On en a déjà pas mal parlé aussi. Vous voulez en dire un mot encore, Alain Dupas? Ah, si, pas si petit que ça. Hein. Ah oui. Pour les satellites de télécommunication, c'est pas des CubeSats. Hein. Les satellites de OneWeb actuels font faire 150 kilos. D'accord. C'est pas un petit satellite. Et on les lance en grappe grâce à Soyuz et on en lance 32, 34, 36 à la fois. Ah oui. Oui, c'est l'autobus dont parlait Jérôme tout à l'heure. On l'a sous la coiffe d'un Soyuz. Vous aurez un distributeur. C'est l'autobus avec ses sièges. Dans chaque siège, vous avez un satellite de 150 kilos, ce qui n'est pas petit. Et la deuxième génération... C'est des sièges éjectables, en l'occurrence, parce qu'on vous envoie dans l'espace, quand même. Ah bah, si vous voulez vous amuser, vous regardez un lancement qui a eu lieu il y a quelques mois d'un lanceur indien, PSLV, dans lequel ont été lancés plus de 100 satellites en même temps. 104. Et quand vous regardez la vidéo, c'est absolument sidérant parce que ça ressemble à une mitrailleuse. Ah. Les satellites sont crachés un par un avec un intervalle de quelques secondes. C'est sidérant. D'accord. Mais c'est ça. Quand il y avait beaucoup de satellites à emmener, Eh bien, effectivement, c'est l'autobus n'a pas une seule porte, mais vous avez autant de sièges éjectables qu'il y a de places. Et je dirais que pour OneWeb, ça doit être au maximum 36 sous un Soyouz, mais dans d'autres lanceurs, ça pourrait être une centaine. Centaines de satellites à la fois. Alors, il nous reste pas mal de petites questions à prendre et il nous reste une dizaine de minutes environ. Donc, je vous demandais de faire des réponses courtes. Alors, il y avait monsieur d'abord. Merci. J'avais en fait deux questions, à vrai dire. La première, c'est effectivement, on a beaucoup parlé de l'effet d'envie que créent les nouveaux lanceurs américains de Blue Origin et de SpaceX. Et on a peu parlé des lanceurs chinois. Et vous avez aussi légèrement abordé la question des lanceurs indiens. Les Chinois, en tout cas, ont d'énormes ambitions. Donc, est-ce que vous pensez que c'est des marchés, ils seront toujours limités à un marché captif gouvernemental parce qu'ils ne sont peut-être pas aussi performants économiquement? Ou est-ce que vous pensez qu'ils peuvent véritablement rentrer dans le marché international des satellites? Oui, merci pour cette question. Parce que c'est vrai que là, on en parle peu jusqu'à maintenant, mais il y a une course à l'espace un peu qui s'est engagée entre l'Inde et la Chine, qui sont les deux puissances asiatiques rivales, et qui voient dans l'espace un relais de croissance ou de domination très fort. Donc chacun des deux a sa stratégie, observe l'autre et le voit comme un rival. Donc leurs stratégies sont excellentes. Les Chinois sont en train de renouveler totalement la flotte de lancement Longue Marche. Donc même s'il s'appelle encore Longue Marche, ça change de numéro et ça n'a rien à voir. Hein. Une flotte modulaire, bien pensée, etc. En revanche, ils n'ont pas forcément ni l'un ni l'autre ni d'envie ni d'ambition d'aller sur le marché commercial. Leur premier objectif, c'est de servir les besoins énormes de leur population locale. Si vous regardez l'Inde, le premier problème, c'est qu'elle ne sait pas lancer tous les satellites dont a besoin le citoyen indien pour l'observation, pour la navigation, pour les télécoms. Et si vous connaissez un peu l'Inde comme pays, vous devinez qu'il y a des besoins extraordinaires de connectivité. L'observation est très liée à l'économie de l'agriculture en Inde, qui est centrale, évidemment. Donc, leur premier besoin, c'est de servir leur population, et puis, dans un deuxième temps, leur défense, et moins les marchés commerciaux qui, nous opposent aux États-Unis. Réponse remarquablement dense. Deuxième question, monsieur. La deuxième question, c'est tout à fait différent. En Europe, on commence à penser effectivement aux lanceurs réutilisables, et notamment, il y a un lanceur dont on n'a pas parlé, qui est Adlin, qui était un... Alors là, ce n'est pas vraiment le lanceur qui est réutilisable, ce serait plutôt juste faire revenir le moteur sur un modèle plus, finalement, d'avion et de vrai vol. Est-ce qu'il y a un futur à Adlin? Alors, Donc, je vous ai expliqué pourquoi on a fait d'abord Ariane 6, parce qu'on avait un gain économique... très fort à atteindre en peu d'années en utilisant les technologies d'Ariane 5. Derrière, évidemment, on s'intéresse à la réutilisation. C'est pour ça qu'on fait Callisto et ce genre de projet. Parmi les projets précurseurs avant Callisto, on a testé un certain nombre d'idées, parmi lesquelles il y avait Adlin. Donc Adlin, c'est un moteur équipé d'ailes en quelque sorte. Donc on ramène la partie la plus massive et la plus chère, en principe, d'une fusée, et on essaye de recycler cette partie-là. Donc on a étudié, Ariane Group principalement a étudié Adlin, on s'en est parlé un petit peu avec le CNES, et l'équation économique n'était pas au rendez-vous, donc c'est un sujet que le CNES a choisi de ne pas accompagner, et Ariane Group s'est rangé à nos arguments, et ce qui nous fait maintenant travailler ensemble sur d'autres véhicules comme Callisto. Monsieur. Ariane 5 portait dans ses gènes la capacité d'envoyer Hermès. Donc est-ce que pour Ariane 6, à un moment donné, il y a eu une réflexion sur la capacité à terme de pouvoir porter un véhicule habité et donc derrière de rechercher une fiabilité élevée? Alors, je suis sûr qu'Alain voudrait intervenir là-dessus parce que c'est une de ses passions. Mais moi, je vais faire la réponse du CNES. On n'a pas changé de doctrine, c'est-à-dire que le vol habité, de notre point de vue jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui est destiné à faire de l'exploration spatiale. Et l'exploration, vu de la France et même de l'Europe, on considère que ça n'a pas de sens de le faire juste entre Européens. C'est une aventure de l'humanité qui nous amène à coopérer avec un certain nombre de pays. Et voilà, c'est l'homme qui ira marcher sur Mars, et j'espère que ce ne sera pas un Américain, un Chinois avec son drapeau et son ego nationaliste, mais que ce sera l'humanité qui ira sur Mars. Souvenez-vous des mots d'Armstrong en atterrissant sur la Lune, c'était des mots plutôt ouverts sur l'humanité. Donc dans ce contexte-là, chacun des pays ou chacune des puissances spatiales amène sa brique à l'édifice, et nous avons choisi, parce que aussi les Russes et les Américains proposaient d'offrir la brique transport d'astronautes, nous avons choisi d'offrir autre chose. Donc on n'a pas d'ambition dans la feuille de route de l'exploration de faire du vol habité avec Ariane, parce qu'on a choisi, encore une fois, d'amener d'autres briques à l'édifice, et qu'il y a deux partenaires avec lesquels on s'entend très bien qui, eux, proposent de faire du vol habité. Voilà, c'est un peu pour ça que les fusées ne sont pas conçues d'emblée pour faire du vol habité. Maintenant, si on devait faire du vol habité, on ne le ferait pas de la manière dont on l'avait pensé au temps d'Ariane 5, c'est-à-dire qu'on concevait une fusée avec des coefficients redoutables pour rendre la sécurité possible. Je pense qu'on aurait une approche beaucoup plus pragmatique, qui est sans doute celle du Falcon aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une fusée commerciale qui vole énormément, qui fait de la récurrence, qui vole une centaine de fois, et elle montre sa fiabilité et sa capacité à accueillir des passagers, non pas parce qu'elle a été conçue spécialement pour accueillir des passagers, mais parce qu'elle vole souvent et qu'on connaît extrêmement bien le produit. Et donc, on serait dans cette... Si on devait faire voler des astronautes sur Ariane 6, je l'ai écarté, mais en fait, on a quand même... un peu quelques pistes avec un partenaire privé. Si on devait faire ça, on le ferait de cette manière-là. Pas en retouchant la fusée, mais au contraire, en gardant exactement la même fusée qui vole des dizaines de fois par an parce que c'est le meilleur moyen d'assurer la sécurité. Donc le CNES a quand même un peu d'argent et des études avec un partenaire privé pour réfléchir au vol habité avec Ariane 6. Alors, si je vous dis que c'est un partenaire privé, c'est pas forcément l'argent du CNES. Ah oui, d'accord, effectivement, c'est juste. Alain Dupin, un tout petit mot ? Je pense que s'il y a un marché, je veux dire s'il y a une demande, plus qu'un marché, pour des vols habités privés, intéressants des industriels européens, je pense autour... Si vous voulez, dans l'espace actuellement, il y a l'espace habité, les vols habités, ça a une double dimension. Alors, il y a la dimension dont parlait Jérôme, c'est l'exploration qui... est devenu international après la guerre froide, avec en particulier ce remarquable succès, au moins politique, et même technique d'ailleurs, qu'est la Station spatiale internationale. Et c'est avec le même type de schéma, mais c'est quand même un type de schéma qui implique un leadership américain. Et les Américains ne manquent pas, chaque fois qu'ils parlent d'exploration spatiale, de sortir 10 fois de suite le mot « leadership ». Si on prend le schéma, on peut aller sur la Lune, on peut aller sur Mars avec un schéma de ce genre en coopération. Et effectivement, à ce moment-là, l'Europe n'est pas forcée de fournir un système de transport d'astronautes. Il peut fournir des modules, comme il l'a fait pour la Station spatiale internationale. L'autre option, ça c'était l'option internationale, oui, et collaborative. Et non, mais ça, je veux dire, j'ai été beaucoup aux États-Unis ces temps-ci. Il est clair que ce à quoi pense la NASA actuellement, c'est reprendre exactement le schéma ISS, leadership américain, d'accord, des partenaires qui fournissent quand même beaucoup les parties qui intéressent les Américains. Donc, c'est international, mais il y a un leader clairement identifié. Bien. Mais ça, c'est la partie exploration. Et aujourd'hui, elle s'oriente vers la Lune. Il y a d'ailleurs donc un projet qui est en train de voir jour, qui est un projet de station autour de la Lune et non plus autour de la Terre. Et il y a déjà des contacts entre l'Agence spatiale européenne et la NASA et les autres partenaires actuels de l'ISS pour cette station qui serait une station destinée à servir de point de ravitaillement, de point relais, de point de recherche pour le futur voyage vers Mars. Mais là, effectivement, il y a des activités qui sont en cours. Mais à côté de l'exploration, qui est quelque chose, je dirais, de quand même largement à vocation scientifique, vous avez des idées d'initiatives privées pour installer autour de la Terre, non pas une station internationale, mais des stations commerciales, pour des tas d'applications. J'ai pas le temps de développer ça, mais ça peut être du tourisme, ça peut être pour les médias, ça peut être pour des laboratoires privés d'entreprises qui veulent faire des recherches dans l'espace, mais en dehors du cadre assez contraignant d'une station publique. Hein, ça peut être des hôtels, ça peut être plein de choses. Et il y a beaucoup de projets de ce genre aux États-Unis. Et à ce moment-là, s'il y a un marché, eh bien, on peut se demander si, plutôt que de laisser tout le bénéfice du transport vers ces infrastructures privées dans l'espace à des entreprises américaines, comme SpaceX, Blue Origin, certaines autres sociétés comme ULA, qui est le principal opérateur de transport US, quand même encore, et qui est une société de Boeing et de Lockheed Martin. Donc s'il y a un marché pourquoi l'Europe n'utiliserait pas son excellent lanceur Ariane 6 ou pour se mettre sur les rangs, d'accord. Pour prendre une partie de ce marché qui peut, qui pourrait représenter des sommes considérables. Et là, alors je vais vous arrêter là du pas, excusez-moi, parce qu'on a une dernière question et puis on arrive bientôt à la fin. Merci. Donc moi, ma question en fait, c'est revient sur le moteur Prometheus. Donc comme vous l'avez dit, c'est un moteur au méthane. Et donc actuellement, les moteurs d'Ariane 6, c'est des moteurs donc solides et des moteurs cryogéniques hydrogène. Du coup, si le moteur Prometheus est vraiment tellement moins cher, on va le mettre partout, j'imagine. Donc il n'y aura plus de besoin pour des moteurs poudre ou des moteurs hydrogène en Europe. Donc qu'est-ce que devient la base industrielle civile pour ça et, aussi, et pour la poudre en particulier, qu'est-ce que devient la base industrielle de défense pour les moteurs à poudre? Alors, je ne sais pas si votre question est orientée. Mais Pas du tout. Monsieur assure que ce n'est pas le cas. C'est une question qui se pose, mais qui ne se pose pas tout de suite. Donc on est loin d'être face à ce type de décision-là. Et en fonction des circonstances et de la pression concurrentielle qu'on sentira, on adaptera plus ou moins les améliorations d'Ariane 6 qu'on peut imaginer autour de Prométhée vers des choses où on peut introduire Prométhée en simple remplacement du Vulcain. Donc si je ne sais plus s'il y a des dessins de lanceurs Ariane avec le Vulcain à la place de, avec Prométhée à la place du Vulcain, là vous gardez la propulsion solide, etc. Ou des choses qui sont plus tournées vers une exclusivité de la propulsion liquide. Et dans ce cas-là, de toute façon, l'industrie, comme vous dites, de la propulsion solide, elle n'est pas civile, elle est duale. Hein, donc elle produit essentiellement des missiles stratégiques. Civile et militaire. Oui. Et civile et militaire. Donc elle a un autre cœur d'activité qui est même plus... qui est même plus intéressant pour eux. Donc de toute façon, tout ça, on l'a en tête dans une politique industrielle. Mais on le fera sous la pression, hein, je dirais. C'est aussi, on entre dans une ère là, de compétition qui est beaucoup plus active que ce qu'on a connu. Et on réagit, on ne reste pas comme ça, statique. On réagit avec de nouvelles armes. Alors avant de se quitter, je voudrais qu'on fête un petit anniversaire. C'est Michel qui m'a donné l'idée. C'est quoi cet anniversaire, Michel? Alors oui, c'est un de mes savants préférés dont on n'a pas beaucoup fêté le centenaire vendredi dernier. Enfin, s'il était vivant, il aurait eu 100 ans vendredi dernier. Il était une fois un Américain qui s'intéressait à beaucoup de choses, qui, quand il était jeune... était vu par ses voisins comme capable de réparer les radios par la pensée. Et puis après, il a grandi, il a eu des diplômes, et il s'est retrouvé travailler, pas par passion, mais par nécessité, sur le projet Manhattan, où il s'amusait à aller ouvrir les coffres-forts de tous les autres qui contenaient les secrets de la bombe atomique. Pas pour les secrets, mais pour montrer que c'était très mal gardé. Ensuite, il a continué, il a développé ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique. Et il a eu un prix Nobel avec ça, d'ailleurs. Et puis, alors, vous avez peut-être reconnu, si vous connaissez un peu le sujet, c'était un certain Richard Feynman. Quand il avait prévenu les chefs de la sécurité pour les coffres-forts, on lui a dit, bon, on va faire une note de service. Et la note de service, c'était, ne laissez pas Feynman s'approcher de votre coffre. C'est une des innombrables blagues qui ont circulé sur lui, qu'il a raconté lui-même, parce que non seulement c'était un type costaud, mais en plus... Il était plutôt rigolo et pas très respectueux des autorités. À part ça, il y a, parmi toutes les phrases qu'il y a, j'ai retrouvé une citation où, quand il a été désigné comme le type le plus intelligent de l'époque, il paraît que sa mère a dit « Si c'est lui le type le plus intelligent, on est très mal. » Merci. Donc c'était le centième... Ah oui, ça s'applaudit, Michel. C'était le centième anniversaire de... Centième anniversaire de Richard Feynman. Bon, je crois qu'on a retenu ce soir une chose importante, c'est que l'avenir est grand ouvert avec cette Falcon 9 qui est là pour le coup, elle est bien présente. Cette Ariane 6 qui est là en réponse, hein, du Falcon Heavy. On a des programmes absolument extraordinaires. On n'a pas beaucoup parlé de Jeff Bezos, mais évidemment, il est là, il est sur les rangs. La Chine, l'Inde, on les a cités évidemment. Et puis l'Europe qui est là, qui est présente, qui veut jouer son rôle, qui veut tenir son rang avec Ariane 6 et puis toutes les évolutions, hein, de ce lanceur qui est évidemment vraiment être appelé à évoluer. Donc l'avenir est grand ouvert. Et figurez-vous que ça fait mes affaires, parce que justement, c'est encore d'avenir qu'on va parler dans un mois, puisqu'on va s'intéresser à accéder à l'espace en 2030 et 2050. Donc on va faire un grand saut dans le futur le mois prochain avec vous, si vous êtes là à nouveau. Donc ce sera le mardi 19 juin. Mardi 19 juin. Parler encore d'avenir. Merci infiniment, s'il vous plaît, à Jérôme Villa et Alain Dupas pour leurs explications. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.